Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mais oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 6h22 sur Fun Radio et tous les matins le warm-up entre 6h et 6h22, hein, en l'occurrence. Et puis bah voilà, ça dépend des jours. Oui, ça dépend des jours. Et puis là, nous on est là, c'est parti jusqu'à 9h30. Et pour ceux qui étaient là hier, rassurez-vous, l'émission d'aujourd'hui sera meilleure. Pourquoi ? Deux raisons. Parce que, parce que de 1 on a du courant. De 2, Julie est réveillée. Elle a mis son décolleté. Ah non. Aujourd'hui. Non. Et par contre, apparemment, elle l'a dans la voiture, elle le met pas pour toi et après elle se met bien. Je vous ai pas dit, moi, quand je sors d'ici, je reprends une forme humaine. Voilà, c'est ça, ouais. Donc tu vois, elle se ravit bien et tout. C'est pour toi, c'est pour pas t'exciter. Ouais. Voilà. C'est dommage. Je serais beaucoup plus performant si j'étais. Ouais. Bah, c'est sûr. Ça, je ne suis pas sûr. Voilà. Et puis bon, moi, je suis réveillé aussi. Donc voilà. Donc bonne nouvelle, tout va bien. On est très très bien. Aujourd'hui, pas mal de choses. On aura du son aussi à vous faire écouter. Pas mal de sons à vous faire écouter. Notamment mon son préféré, hein, Niro. On aura l'occasion d'écouter ça tout à l'heure. Il y aura Rihanna aussi tout à l'heure avant 7h du mat. Ce sera Man Down. Et puis, bien évidemment, du cadeau avec des appareils photo numériques qu'on aura à vous filer. Ça sera dans quelques secondes avec la petite devinette qui colle. On aura la question qui colle. On aura le petit déj express. On aura le Mickaël réveille la Belgique. On aura également évidemment la ligne anti-relou. Ça tombe sous le sens. Et Top aussi qui va appeler aujourd'hui. Qui va appeler qui? Ah bah comme on l'a dit hier, les avocats. C'est vrai. J'appelle les avocats. C'est vrai, parce que l'histoire hier, c'était qu'il y avait un homme en France qui avait. Non, ouais, sa femme avait porté plainte. Ouais. Sa femme avait porté plainte contre lui et elle avait gagné parce que, voilà, après X années de mariage, ils n'avaient pas couché assez régulièrement ensemble. Donc, il a quand même gagné 10 000 euros. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Parce qu'en France, apparemment, il y a une clause qui dit qu'on doit coucher ensemble X fois sur l'année ou je sais pas. Ah non, qu'il faut juste entretenir. Il faut consommer le mariage. Il faut consommer. Il n'y a pas un nombre, vous devez au moins faire l'amour 262 fois. Non, c'est vrai. Bon, enfin bref, donc voilà, en gros, il devait faire le devoir conjugal qu'il n'a pas fait, en tout cas pas assez régulièrement. Et donc Tov va téléphoner aujourd'hui à des avocats un petit peu partout pour se plaindre également et pour porter plainte contre sa copine, tout simplement. On aura aussi les scooters, les Kimco 125 cm3 avec 25 euros de carburant chez OctaPlus à vous faire gagner. Là, vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez, hein, 6322 en débutant le message par scooter et en mettant vos coordonnées complètes. On aura des places aussi pour aller à la soirée Summer Lake. Ce sera le 10 septembre. Ce week-end, donc avec notamment Joachim Garraud, il y aura Dave Lambert aussi, Mark Knight et plein d'autres DJ qui viendront au Lac de l'Odeur, donc le 10 septembre, ce sera gagné tout à l'heure. Et puis bien sûr, on remboursera vos factures. Là aussi, dès maintenant, inscrivez-vous, 6322, vous débutez le message par facture avec votre le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui devait se passer là. Info trafic déjà aussi, bien mal. Sûr, tout à l'heure. Et puis la petite devinette qui colle pour gagner l'appareil photo numérique. Allez, c'est parti. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? Julie? Ah non. Non. Non. Sinon j'aurais déjà eu. Voilà, c'est ça, justement. Bah, petit indice d'ailleurs. 6 enfants. Voilà, comment appelle-t-on. 6 enfants? Ouais, que 6. Ah ouais? Ah ouais, dis donc. Ouais. Ah, il va falloir qu'il bosse son mec, hein. Mon mec est parfait. Ah ouais, non, mais non, mais je. Non, faites pas les jeunes. Non, je parlais de l'argent. Parce qu'il y a un moment, il va falloir de la bouffer à 6 bouches. Ah oui, non, mais il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça, en fait. Il n'y a pas de bouche à nourrir. Oui, c'est ça. Pour l'instant, ça va alors. Mais le jour où. Bon, comment appelle-t-on une femme. Son chéri en fond d'écran. Oh, c'est beau. Ah oui, t'as vu, il est mignon. Bon, je répète, comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? Si vous avez la bonne réponse, 6322, allez-y pour les inscriptions. Et puis d'ici un gros quart d'heure, une demi-heure maximum, on vous rappellera en direct sur Fun pour vous offrir l'appareil photo numérique si vous avez évidemment la bonne réponse. Et restez bien là aussi, puisque dans un instant, c'est l'info qui va arriver aussi avec Julie, ce sera à 6h30. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. 6h29 sur Fun Radio, nous sommes de retour jusqu'à 9h30 avec tout à l'heure les factures qu'on va vous rembourser et puis la petite devinette qui colle pour repartir avec tout simplement les appareils photo numériques qu'on a à vous faire gagner ce matin. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? On a envoyé une vierge. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ par message et vous repartirez peut-être avec ce magnifique appareil photo numérique. Si vous avez la bonne réponse, donc allez-y. Et en général, on n'en a qu'une. Hein. Voilà le petit indice. Oui, ça commence. Enfin, c'est pas en général, c'est comme ça. Voilà. Point. On en a qu'une. Ouais, on en a qu'une. Voilà, 6322. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? Allez, message de Greg qui vient d'arriver. On ne l'appelle pas. Si. Je vous assure qu'on l'appelle. Allez, 6h30. L'info maintenant avec Julie. Salut à tous, semaine décisive pour le formateur Elio Di Rupo. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais cette fois c'est peut-être la bonne. Aujourd'hui, il présente sa note modifiée aux 8 présidents de parti. Cela fait 450 jours qu'on attend toujours un gouvernement. Et puis, plus que jamais, le pays a besoin d'un gouvernement de plein exercice. Les bourses étaient encore dans le rouge hier. Le Belvin a perdu plus de 4%, un lundi noir qui bat le record de mars 2009. Ce matin, les bourses de Tokyo ont ouvert à la baisse. La crainte de la dette grecque et la crise économique affolent les marchés. Et la crise économique, la Croix-Rouge en paye les frais. Enfin, plutôt, elle attend d'être payée. Près de 30% des factures, comme les frais d'ambulance, ne sont pas payées. La Croix-Rouge a annoncé qu'elle va devoir augmenter ses tarifs à cause de ces factures qui restent impayées. Les Belges ont 9 millions de crédits en cours. Le nombre de crédits n'a cessé d'augmenter ces dernières années en Belgique. Il y a 4 ans, donc en août 2007, le nombre de crédits en cours atteignait 7,4 millions. Les 9 millions de crédits en cours aujourd'hui ont été contractés par plus de 5 millions de particuliers et le nombre d'emprunteurs avec au moins un crédit défaillant a également augmenté. Les bus roulent ce matin à Bruxelles. Les conducteurs avaient débrayé spontanément hier matin à la suite d'un incident contre un bus à Molenbeek. Le bus avait essuyé des tirs de projectiles. La direction de la STIB a proposé au syndicat davantage de personnel de prévention sur la ligne à problème. Drame à Huy. Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme âgé d'une quarantaine d'années a tué son épouse avant de se donner la mort. Les faits se sont produits au domicile du couple. L'homme avait été manifestement très dépressif et inconnu de la justice. Les vols depuis et vers l'Italie seront perturbés aujourd'hui. La CGIL, le principal syndicat italien, organise une grève générale de 10 à 18 heures pour dénoncer le plan de rigueur du gouvernement italien. L'action provoquera quelques perturbations dans le trafic aérien. Et puis enfin, sport cyclisme. Tom Bonnen attend des examens complémentaires concernant sa fracture à la main gauche. Lui qui a abandonné après une chute la 15e étape du Tour d'Espagne, le Tour de France c'était bien avant, oui. Eh bien il ne décidera qu'après les examens médicaux s'il participe ou non au championnat du monde le 25 septembre à Copenhague. Et puis ce soir, les Diables Rouges affrontent les États-Unis, mais c'est en match amical. Voilà, donc match qui ne sert absolument à rien, sinon non, éventuellement gagner sera... Oui, oui, c'est ça. Non, mais là vraiment, vraiment à rien. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment pour du beurre, beurre, beurre, beurre. Ouais, exact. Ah, du beurre, ah, du beurre, le petit déjeuner. Ah, oui, ah non, non, non, l'huile, tu veux dire, graisse. Une auditrice nous apporte du petit déjeuner tout à l'heure à 8h. Dans 1h30. 6h32 sur Fun Radio, la météo maintenant. Alors, est-ce que faut vraiment que j'en parle? Bah écoute, si tu veux pas, tu me dis, moi je peux sur un bouton et basta. C'est-à-dire que c'est de la pluie quoi aujourd'hui. Voilà, Fun Radio. Fun Radio. Bon, heureusement, l'info en plus à 6h32, comme ça tu vois, on a gagné du temps avec des infos qui servent à rien. Là, c'est non, bah écoute, il y a de la pluie, voilà, j'ose même plus l'annoncer. On a dit on n'en parlait pas. Ah, voilà. pardon. Allez, c'est fini. Mais qui vient du littoral et qui approche on sur le centre. On a dit qu'on n'en parlait pas. D'accord, voilà. 15 à 21 degrés. Bon, l'info alors, en plus. Par rapport à l'info en plus, bon, je trouve ça quand même assez sympa. Glander sur le web, eh bien, ça booste la productivité. C'est un message à tous les patrons qui peuvent un petit peu nous en vouloir de nous voir glander un peu Julie, sur Facebook. Julie, c'est de quoi elle parle? Non, pas du tout, moi je n'ai même pas le temps. C'est marrant. Parce que moi, c'est ce que je fais, et quand j'arrive à 21h et que je vois que Vince est déjà là et que j'ai pas fini de préparer l'émission de ce matin, je me dis que non, ça sert à rien. Ouais, c'est ça, au final. Ça il y a glandé avancer, et glandé. Hein. Ah, ouais, c'est ça. Donc apparemment, l'accès qui est. Enfin, en général, ça arrive dans certaines entreprises qu'on bloque Facebook ou YouTube, des trucs comme ça au bureau. Et bien, pas du tout, une étude. Il ne faut pas faire ça, c'est un message au patron. Une nouvelle étude a démontré que surfer modérément, tof, sur Internet, augmente la productivité des travailleurs, parce qu'en fait ça te détend un petit peu le cerveau, donc après tac, ça te rebooste. Ah ouais, d'accord. Ou alors t'es bloqué dedans et du coup tu ne bosses plus du tout, en fait. Ça, c'est possible aussi. Oui, enfin ça c'est pour ça, oui, évidemment. Oui, bah, c'est ça le problème. Une fois que tu t'arrêtes, après t'es un peu emmerdé. Ouais. Bon, bah voilà, l'info en plus et l'info tout court reviennent tout à l'heure à 7h du mat. Il est 6h34 sur Fun Radio, donc on paiera vos factures aussi tout à l'heure, bien sûr. 63-22 en débutant par facture. Vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis la petite devinette qui colle. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule, ou du moins qu'il l'a oublié, hein, c'est pas arrivé. Oui, parce que jamais elle peut la prendre après. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Alain qui proposait une bonne sœur, on proposait la ménopause, non, c'est pas ça non plus. Greg qui disait on l'appelle pas, c'est pas ça. Comme j'ai dit, normalement, on en a qu'une. On en a vraiment qu'une. Voilà, c'est ça exactement. Et l'autre, on l'appelle papa, on dit pas plus. Allez, on se fait péter le son de Mister You avec DJ Abdel maintenant sur Fun Radio. C'est Thank You. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Ben voilà, on peut pas faire le jeu maintenant là, parce que je vais faire le jeu, mais évidemment, Julie a débranché mon ordinateur. Ouais, voilà, elle a tout cassé. J'ai beau dire que je n'ai rien fait, que ici tout s'éteint tout seul, mais on ne le croit pas, tu vois. Mais bah il y a des fantômes. Oui, oui, bien sûr, il y a des fantômes. Fantôme du alors studio. Hier on n'avait pas de courant, mais là, bon voilà. Ça, ici aujourd'hui aussi, les choses s'éteignent tout seul, mais personne ne veut me croire, donc ouais. C'est pas grave. C'est ça, c'est dingue quand même. Bon, 6h38, bon réveil tout le monde. C'est Fun Radio et Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Je vous rappelle vite fait la petite devinette qui colle. Ce matin, comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? Il y a des appareils photo numériques à gagner si vous le souhaitez. Et bah, vous pouvez jouer au 63-22, c'est 1€ par message. En mettant la bonne réponse, en général, on n'en a qu'une. Et son contraire, elle peut pas. Voilà. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? Je pense que je ne peux pas faire mieux au niveau de l'indice. Voilà. Et une grande mauvaise nouvelle est arrivée et vient d'arriver pour Toff également. Oui. Jessica Simpson, tu connais Jessica Simpson? Oui. La plus que bombasse. Oui. Voilà. Je n'aurais pas dit ça, mais oui. Bon, ben ça va, elle est bien quand même. Ah oui, non, bah, c'est-à-dire qu'elle bien. Elle était bien, mais est-ce non, qu'elle non, est... Non, non, ça va, ça va. Elle a un peu changé quand même. Ah, c'est une bonne cougar, quoi. Ouais, enfin, elle a pas non plus... Attends, elle a pas 40 ans, hein, Jessica Simpson. C'est ça, cougar. Ah bah, elle vit vite, alors. Hein. Ah bah, ça c'est bien ce que je dis. Elle a, ces derniers temps, elle a eu un petit peu... des petits problèmes de poids, on voilà. va dire. Bon, enfin bon, elle fut bonne en tout cas. Bon, bah du coup, maintenant, forcément, elle va tout perdre. Bah, c'est-à-dire qu'elle envisage effectivement de se faire réduire les seins. C'est dingue quand même. Donc c'était quand même une info qui méritait d'être, tu vois, soulignée, parce qu'en oui. général, c'est le contraire. C'est vrai, donc en général, elles veulent on fait se faire. Mais, tu sais quelle taille elle avait? Un D. Oh, ça va encore. Bon, bah, c'est écoute, beaucoup quand même. Enfin, ça fait son poids déjà. Mais Et elle a 31 ans, toi. Voilà, comme ça. Oh, c'est donc, une cougar, l'autre. Elle a le même âge que lui. Il semblait bien qu'elle avait la trentaine, mais là, j'ai l'info bien sous les yeux. Elle a 31 ans. Donc elle a 31 ans. Ouais, mais, oh, ouais, mais elle a pris. On dirait qu'elle en a 50. Ouais, ces dernières années, elle a pris un. C'est, en fait, après son premier divorce avec Nick. Un chanteur, elle a pété du mal. Elle a pété une durite. Elle a grossi énormément. Ah ouais, c'est dramatique. Et donc c'est voilà, dramatique. Donc là, elle a repris plus ou moins, oui, un poids normal, mais en tout cas, elle trouve qu'elle a des trop gros seins et qui lui donnent une allure de grosse en fait. Donc d'accord. elle veut réduire sa poitrine avant son mariage parce qu'elle va se remarier. Ah bah c'est très bien, bonne nouvelle. Mais dites-nous les filles qui est derrière la radio là, est-ce qu'il y en a qui voudraient se faire réduire les seins pour voir et vous passeriez de combien à combien? Mais tu serais étonné, hein. Ben moi ouais, j'en connais déjà quelques. Quelques-unes parce que voilà, elles ont été fortement gâtées par la nature et c'est super lourd à porter, quoi. Ah ouais, ah bah, j'étais sûr que t'allais le cas de le dire. Vas-y, quoi, toi, t'as quelque chose non, à dire. Non, j'allais dire, c'est le cas de le dire que ah, c'est voilà. super lourd à porter. Bah, ouais, pour une fois, il n'est pas dégueulasse. Et pour le poids, c'est ça, je pensais que ça allait être. Pour une fois, non, elles ont mal au dos et tout, donc. Il y a Steph qui dit une vraie cougar pour moi, c'est Julie. Ah oui, bah oui, du haut de mes 27 ans. Mais oui, c'est vrai. Donc dites-nous si vous voulez nous donner votre avis, les filles, à 6h40 sur Fun Radio, dans un instant. Rihanna dans un instant sur Fun Radio. Et on paiera vos factures. On aura aussi la ligne anti-relou. Ce sera dans 4 minutes. Restez bien là sur Fun. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Et à 6h44 sur Fun Radio, on fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Pas grand-chose à cette heure-ci, j'espère. Bah, il y a des accidents déjà. Ah, quand même. Ouais, il y a un accident sur le 19 des en Vers, en direction bah oui, de Bruxelles, alors qu'ils rentrent de soirée. C'est pas mal, c'est très mal. C'est possible aussi. À hauteur de Conti. Voilà, comme ça fallait que je le dise. Et c'est la bande du milieu qui est obstruée et il y a effectivement des files à cet endroit. Il y a aussi un véhicule qui est en panne sur le 19 Bruxelles en direction de Mons Valenciennes à hauteur de Aubourg. Et c'est la bande, il y a une bande qui est obstruée, on ne me signale pas laquelle. Et c'est une voiture qui est dans la zone des travaux. Donc forcément, c'est des travaux en plus, ça ne risque pas d'améliorer non, les choses. Ça, c'est clair. Et alors, travaux routiers sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Halleur. D'accord. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Et bon, et si vous êtes témoin d'un radar, d'un accident, d'un bouchon, peu importe. N'hésitez pas à faire tourner l'information pour qu'on puisse prévenir les auditeurs de Fun. 30 44 50 centimes le message, ou si vous avez un smartphone, c'est encore plus simple et c'est gratuit. Vous me faites un petit mail là à Mickaël, M-I-K-L, @funradio.be. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, c'est ce que tout le monde espère, évidemment. Et nous avons mis en place pour vous, rien que pour vous, les filles, même un peu pour les mecs aussi, mais surtout pour les filles, ce numéro très spécial à retenir par cœur, le 0473 86 0013. C'est le numéro de la ligne anti-relou. Et le numéro de la ligne anti-relou sert uniquement à donner aux relous, justement. C'est-à-dire que si vous croisez un mec relou, en l'occurrence, hein, dans la rue, dans un bar, en resto, toujours, hein. Mais bien sûr. Eh bien, mec, le relou va venir vous tenir la jambe, va vouloir votre numéro de téléphone pour vous rappeler parce que vous êtes la femme de sa vie, sauf que vous savez pertinemment que lui n'est pas l'homme de votre vie. Eh bien, à la place de lui donner votre numéro de téléphone pour qu'il puisse continuer à être relou encore plus longtemps, eh bien, donnez-lui notre numéro, le 0473 86 0013. Du coup, le relou, qui est un peu bête, va donc appeler en étant persuadé que c'est votre numéro, et donc va laisser un message sur notre numéro. Et donc nous, évidemment, on va écouter ça. Écoutez. Ouais, salut, c'est moi. Je voulais vous savoir quand on se voit tantôt au cinéma, mais on le fait après, hein. Tu m'avais dit que c'était chaud, mais... voilà. Dis-moi ça. Non mais attends, le mec il dit bon bah t'as dit qu'on allait au cinéma tout à l'heure mais t'inquiète pas hein, on le fait après hein. Ah ouais hein, en plus t'as dit que t'étais chaude hein. Bon, ah il est très classe hein, le mec. Oui, je suis une cochonne, j'ai envie. Mais non, rappelle-moi. Non mais au lieu de dire les choses, tu vois, genre c'est le mec il fait un peu romantique, même s'il sait qu'après il mettra une cartouche, mais enfin, oui, là, il mettra rien du tout là. Mais soyez romantique quoi, un minimum. C'est vraiment ça, un minimum quoi. Le minimum syndical. Bah vous offrez le magnum au cinéma quoi. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est ça, comme ça pour démarrer. Bon allez, deuxième message. Donc voilà, si tu veux me recontacter, c'est au 0485. Merci, au revoir. Bon, ça va encore. Quoi, il a rien de spécial. Non, il a laissé un message lambda là. Oui, bah si, oui. Non, si, c'est je contacte, contacte-moi. Oui, je contacte, contacte-moi. Oui, enfin, bon, oui. Tu vois, il est un peu stressé, ouais. Il sait pas trop, il a pas préparé son texte. Mais voilà, c'est bon. Ça, il était un peu stress, mais rien de grave en l'occurrence. Oui, non, ça non, va, non, on a eu pire, vrai. On a eu pire. Et enfin, le dernier message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, alors, Catherine, c'est moi. Tu m'as laissé en plan, là, je sais pas quoi faire. Voilà. Appelle de ses toilettes. Ça va, tu vas venir. Non, je crois qu'à un moment, il faut te rendre l'évidence. C'est tout. Oh, on dirait que je t'appelle une déprime. Oui, il est triste. Bah oui, mais enfin bon, il y a un moment, il a été relou, hein. Il en paye le prix maintenant. Hein. Oui, enfin bon, moi j'ai toujours pitié quand même. Ouais, mais il en paye le prix. Parce que est-ce qu'ils le font vraiment exprès d'être relou? C'est ça qui est bien avec toi. Oui, je pense, ouais, je pense. À un moment, peut-être pas exprès, mais je crois que ça doit être un naturel. Hein. Regarde-toi, puis c'est naturel. Hein. En fait, il est né relou. Tu sais, Julie, en fait, c'est la fille en fin de soirée qui. Oh, allez, t'es tout seul, viens, tu me fais pitié. Certainement pas, quoi. Certainement pas. Elle a de la peine. C'est vrai qu'en fin de soirée, tu vois vraiment que les mecs, il reste plus grand chose. Et les. Enfin, tu vois, ils se contentent de. C'est pareil, hein. Ouais. Ils se contentent de ce qui reste, quoi. C'est horrible. Quand tu vois ça, les fins de soirée. Quand tu vas chez Carrefour, tu sais, un samedi soir, il est 19h30. De ce qui reste bon, dans tu veux faire ton barbecue, mais tu prends ce qui reste, quoi. Parce que t'as pas le choix, tu vas pas faire d'autres magasins quand même. Ah là là. Bon, le retour de la ligne anti-relou, ce sera dans une heure. On paiera vos factures tout à l'heure. Et puis, en plus de l'appareil photo numérique, je peux aussi vous proposer un téléviseur, une télé LCD HD TNT 16/9. Voilà. Ah bah, quoi, tu mal. Mets la totale là. Non, je mets pas les deux, je mets l'un ou l'autre. Après, vous choisissez. Ah, donc, si vous grand avez... seigneur, ils peuvent choisir. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'être bon. Ah oui, ça va, là, c'est. Ça n'arrive qu'une fois par an, donc profitez-en. Oui, c'est ça. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule 63-22, c'est 1 euro par message, vous gagnez soit l'appareil photo numérique, soit une télé HD LCD 16/9 TNT. Voilà. Attends, on n'a pas obligé d'avoir le détail. Une grande télé. Une télé, tout simplement. Voilà. Bon, allez, si vous avez la bonne réponse, 63-22, je dis que c'était l'inverse du papa et qu'en général, on n'en a qu'une. Et au niveau du son, maintenant, avant que Toff prenne le téléphone, le standard, pour appeler des avocats dans quelques minutes, hein, histoire de se plaindre parce qu'il ne couche pas assez souvent avec sa femme. Non, parce qu'on ne couche plus, justement. Bah, parce que vous couchez plus ensemble et que tu voudrais des dédommagements. Il y a un moment, faut payer quand même la prostituée, c'est normal. Bah, moi, je vous laisse entre vous. Non, mais bon, non, ça va aller. Bon, allez, Rihanna maintenant. Ram, pom, pom, pom. C'est Man Down sur Fun Radio à 6h49. Rihanna sur Fun Radio à l'instant. Man Down à 6h53. Bon réveil, tout le monde. C'est Mickaël à la radio. On est là avec Toff, avec Julie également, jusqu'à 9h30 ce matin. Et si vous voulez nous donner vos avis aussi par rapport à Jessica Simpson, on en parlait tout à l'heure avec Julie, là, qui va se faire une réduction mammaire. On voulait savoir si vous aussi, les filles, est-ce que ça vous est déjà passé par la tête en vous disant tiens je vais peut-être en faire, il y a un message qui dit non je ne voudrais pas du tout, c'est un atout et je fais du 110E. Ah ouais, bah. Ah d'accord. Ah bah, il y a de quoi s'y perdre. Faut dire que Jessica Simpson. Ouais, bah, elle fait du D elle quoi. Elle fait du D, ouais. Ouais, on sait pas combien, quel numéro, mais voilà, elle fait du D quoi, donc c'est pas mal. Bon, je répète une dernière fois la petite devinette qui colle. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? C'est l'inverse de papa, et en général, on en a qu'une pour gagner un écran plat LCD HD. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1€ par message. Bonne chance tout le monde. On proposait une terre fertile. Non, ah, non, c'est pas ça, non, pas du tout. Voilà. Ah, si, elle est fertile. Oui, mais peut-être, mais c'est pas la réponse qu'on cherche. Voilà. Bon, 63,22, bonne chance, il y a l'écran plat à gagner ou l'appareil photo numérique. Après, ça, c'est à vous de voir. Et puis, voilà, hein, qui est la prochaine victime de TOF? Alors, du coup, on était sur les avocats, je crois, c'est ça? Ouais, non, parce que Julie, elle en a parlé hier. Donc, la meuf qui a quand même obtenu 10 000 euros parce que son mari, il voulait pas lui faire l'amour, quoi. Donc, c'est quand même chaud. Et donc, du coup, moi, je me suis dit qu'il était temps de faire cracher la vieille, quoi. Non. Je savais que ce serait l'occasion. Bah, quelle dégueulasse. Ouais, mais attends, depuis le temps qu'elle m'emmerde aussi. Ouais, on a compris, TOF. Bon, et on appelle qui, du coup? Bah, des avocats, hein, c'est logique, non? Oui, c'est une idée, oui. Bon, bah, on va où alors? Alors, on va à Dinan. Normalement, c'est une permanence. Il y a quelqu'un qui est censé me répondre. D'accord, même à 6h54. Ouais, c'est une permanence, donc en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle direction Dinan. Je suis pas sûr qu'il fasse les divorces à cette heure-là. Ouais, ouais, bon, écoute, on verra bien. Puis il y aura l'info aussi tout à l'heure avec Julie. Ce sera. Bonjour. Veuillez patienter quelques instants. Genre, ils sont vous où? Vous allez être connectés tout de suite. Genre, ils sont full? Toutes nos lignes sont occupées, oui. C'est automatique, en fait. Ah, c'est possible. Toutes nos lignes. Cabinet d'avocats, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je ne sais pas si vous avez vu cette affaire en France d'une dame qui a réussi à obtenir 10 000 euros parce que son mari ne lui faisait plus l'amour. Ah non, monsieur. Bon, ben voilà, en fait, moi je vous appelle parce que voilà, ma femme, ça fait bientôt. Désolée, je ne suis pas avocate. Ah, pardon. Je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait me répondre sur cette question. Attendez, épineuse. Je vais. Un instant. Hein. Je vous remercie. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, voilà, bonjour. En fait, je vous appelle parce que j'ai vu cet article sur ce couple en France où la dame a obtenu 10 000 euros de son mari parce qu'il ne lui faisait plus l'amour. Et en fait, moi, je vous appelle pour voir si ce serait possible de faire la même chose en Belgique. Et vous êtes? Je suis donc monsieur Toff, mais voilà, je suis avec ma femme depuis bientôt 20 ans et cela va faire 2 ans que nous n'avons pas eu de rapport sexuel. Donc, vous comprenez, ça commence à me coûter cher en prostituée. Et donc, je voudrais savoir si c'est possible qu'on la fasse raquer un peu, quoi. Écoutez, moi, je ne suis pas spécialisée dans cette matière. Donc, il faudrait en parler directement à Maître Van Kreinest. Ah oui. Est-ce que vous savez retéléphoner cet après-midi? Bah, écoutez, oui, je peux rappeler plus tard. Mais vous pensez que ce serait possible en Belgique de faire la même chose? J'ai jamais eu le cas, monsieur. Donc, c'est à voir. Ah, c'est à voir. Faire des recherches là-dessus. Ah oui. Parce que je pense que ce serait intéressant quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Au revoir. Bon, oui. Ben écoutez, je rappelle plus tard alors et je m'arrangerai alors. Hein. D'accord. Je vous remercie. Beaucoup, au revoir. Oui, au revoir. Bon, ben, il va falloir appeler plus tard, quoi. Ouais, mais c'est ça, à cette heure-là, c'était un peu. Bah oui. Mais c'est dommage qu'il faille appeler plus tard, parce que là, c'était bien, là. On aurait pu avoir une petite réponse, t'aurais déjà pu préparer ton mais petit truc. Il faut truc. Le suspense, il faut garder oui, le suspense. Oui, c'est vrai aussi, mais à côté de ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on appellera où tout à l'heure, Toff? Tu sais déjà où tu vas garder? Je sais pas, j'avais plusieurs possibilités. Peut-être La Roche, Verviers, Liège. Bon, on verra bien. Bon, si vous avez des propositions, si vous connaissez peut-être quelqu'un. Ah bon, pourquoi? Parce que j'aime pas les avocats de Namur. Ah, d'accord. Ah, Toff, c'est de quoi il parle déjà. Ah oui, mais Toff, il connaissait un petit peu le guide du routard, et lui, c'est le guide du routard de l'avocat, tu vois. Les bons avocats dans telle ville, bah, etc. C'est ça, c'est tous mes cas de divorce. Oui. Bien sûr. Les enfants illégitimes. Bon, on appelle maintenant quelqu'un qui a la bonne réponse, peut-être, pour la petite devinette qui colle, Toff. Tu veux tout de suite là? Oui, c'est mieux. Tu m'as pas pris comme ça, mais ok. Bah si, c'est alors... dit avant l'info, et l'info arrive oui, mais là. En donc même temps, je peux pas appeler les gens et. Oh, ça y est, alors ça y est, parce qu'il a un truc à faire là, du coup il est perturbé. Bon, bah en attendant d'avoir la devinette qui colle, je peux vous poser la question de la question qui colle. On donnera la réponse aussi tout à l'heure. De quoi est mort un Brésilien de 16 ans? Voilà, si vous avez la bonne réponse. Mais c'est triste. Non, mais comment c'est sexuel hein? Ah, forcément. C'est mais attends, mais pourquoi tu précises? Évidemment, avec vous, ça ne peut être que sexuel. Voilà, forcément. C'est comment vous expliquer? Disons qu'il a eu l'occasion. Enfin, bon, je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais c'est sexuel tout seul. Voilà, ça vous donnera une idée comme ça. Bonjour. Qui est là? Allô, bonjour. C'est Betty de Charleroi. Salut Betty de Charleroi, comment ça va? Oui. Betty de Charleroi. Bet- Betty de Charleroi. Elle est un peu... On va appeler quelqu'un d'autre. Eh bah, Betty de Charleroi, elle rentrera toute seule. Hein. Bon, bah, si vous avez de nouveau la bonne réponse, alors du coup, on est sur les deux réponses. Hein, en même temps, pour gagner l'écran plat ou l'appareil photo numérique, comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? Et puis, de quoi est mort un Brésilien de 16 ans? En attendant, hop là, dans un instant, c'est Luna qui arrive. Vamos a la playa. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 7h-1 sur Fun Radio. L'info maintenant avec Julie. Salut à tous, semaine décisive pour le formateur Elio Di Rupo. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais cette fois c'est peut-être la bonne pour former un gouvernement. Aujourd'hui, le formateur, il présente sa note modifiée au oui président de parti. Cela fait 450 jours qu'on attend un gouvernement. Et plus que jamais, le pays a besoin d'un gouvernement de plein exercice. Les bourses étaient encore dans le rouge hier. Le Belvin a perdu plus de 4%, un lundi noir qui bat le record de mars 2009. Ce matin, les bourses de Tokyo ont ouvert à la baisse. La crainte de la dette grecque et la crise économique affolent les marchés. Et la crise économique, la Croix-Rouge, eh bien, ça la touche de plein fouet. Près de 30% des factures comme les frais d'ambulance restent impayés. La Croix-Rouge a donc annoncé qu'elle pourrait augmenter ses tarifs pour se rembourser. Les Belges ont 9 millions de crédits en cours. Le nombre de crédits n'a cessé d'augmenter ces dernières années en Belgique. Il y a 4 ans, donc en août 2007, le nombre de crédits en cours atteignait 7,4 millions. Les 9 millions de crédits en cours aujourd'hui ont été contractés par un peu plus de 5 millions de particuliers. Le nombre d'emprunteurs avec au moins un crédit défaillant a également augmenté. Les bus roulent ce matin à Bruxelles. Les conducteurs avaient débrayé spontanément hier matin à la suite d'un incident contre un bus à Molenbeek. Le bus avait essuyé des tirs de projectiles. La direction de la STIB a proposé au syndicat davantage de personnel de prévention. La rentrée scolaire au collège Saint-Benoît de Maretsou a été reportée d'une semaine à la suite du sabotage de l'installation de détection d'incendie. Les soupçons se portent sur un ou des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier de sécurisation de tout l'établissement. Vol depuis et vers l'Italie perturbé. La CGIL, le principal syndicat italien, organise une grève générale de 10 à 18 heures pour dénoncer le plan de rigueur du gouvernement italien. L'action provoquera donc quelques perturbations dans le trafic aérien. Et puis enfin en sport, cyclisme, Tom Bonon attend des examens complémentaires concernant sa fracture à la main gauche. Il pourra dire après si oui ou non il participe au championnat du monde le 25 septembre à Copenhague. Et puis ce soir, les Diables Rouges affrontent pour du beurre les États-Unis. 7h01 sur Fun Radio, la météo maintenant. Eh bien, la pluie va venir par le littoral et atteindre le centre du pays. Donc voilà, ce sera une journée sous la pluie. Température de 15 à 21 degrés. Demain, normalement, le soleil devrait gagner un petit peu plus la partie sur les nuages. Bon, espérons-le. 7h01 sur Fun Radio dans un instant. C'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. À 7h02 avec les factures qu'on va vous rembourser dans quelques instants. Si vous voulez vous inscrire pour les factures, allez-y, 63-22 maintenant, débutez le message par facture, c'est 1 euro par message. 1013 euros pour le revenu cadastral, c'est ce qui vient d'arriver. Il y a le chauffage, 350 euros. Charonne, 1000 euros pour une liposuction, 460 euros pour un GSM, 426 euros pour le cadastre, prêt hypothécaire, 420 euros. Chaussures de vélo, 87 euros. Le cadastre encore, 949 euros. 171 euros pour l'assurance habitation, 5 695 euros pour le prêt d'une voiture. Ah oui, j'espère que tu payes pas ça par mois parce que sinon tu vas être dans la merde très vite. Hein. Non, mais alors là, il a acheté une Porsche alors. Ouais, à mon avis, ouais, pour le revenu cadastral. Voilà, dans un instant, on vous appelle en direct sur Fun Radio pour vous rembourser vos factures. 63-22, débutez le message par facture. Bon, alors à 7h03, l'info en plus. Alors, les hommes sans emploi, oui. Eh bien, oui. Se mettent aux tâches ménagères. Ah bon, ah bon, ouais, en même temps, ils ont que ça à faire. Hein. Ben, oui, il y a un petit peu ça, mais c'est-à-dire qu'ils redéfinissent leur masculinité. Masculinité, oui. J'ai un petit peu du mal ce matin, mais oui, bah oui. Et ils restent à la maison pour s'occuper des enfants et ils s'essayent aux travaux domestiques. C'est une étude de l'université du Kansas qui s'est penchée sur le cas de 19 hommes sans emploi. Et donc, on se rend compte que quand ils n'ont pas d'emploi, ils soutiennent leurs femmes, ah et bon, ils sont reconnaissants de gagner un salaire, etc. Ben, moi, j'aurais plus tendance à dire qu'en général, ils restent à faire dans le canapé avec des chips, et bien, grossis, ouais, ils salient pas tout. Du tout. Ouais, je pensais aussi, mais en fait pas du tout. Bah tu vois, l'homme est quand même. C'est peut-être est quand le nouvel même homme aussi. Mais hein. Oui, c'est ça, c'est le nouvel homme qui c'est est sorti. Nouvelle c'est comme le Beaujolais nouveau, c'est le nouvel homme 2011. Donc bon, j'attends que mon homme perde son emploi. Ouais. Le problème, c'est que ça ne dure jamais, hein, parce qu'au bout de deux fois où il a fait le truc, la meuf elle le défonce parce qu'il l'a pas bien fait. Oui, c'est oui, c'est mal fait. Regarde, il reste des traces là. Tu te dis, bon, bah ok, c'est bon, bah je vais arrêter. Hein, ça l'excuse bidon. On vous apprend les choses, c'est tout. Mais oui, bon, qui est là pour la petite devinette qui colle? Nous avons Corinne, 39 ans de Châtelineau. Très bien, Corinne de Châtelineau. Comment vas-tu, Corinne? Très bien, merci. Bon, bah tant mieux, sois la bienvenue, Corinne. Alors, Corinne, tu as la petite réponse à la devinette qui colle de ce matin. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris la pilule? Maman. Bah oui, on l'appelle maman. T'es maman, toi, d'ailleurs? Non, pas encore. Pas encore. Bah, il serait temps, là, 39 ans, hein? Ouais, bon, on verra, quoi. C'est pas plus important actuellement. Ah, bah, bientôt, non, bientôt ça marchera plus, hein. Veut. Mais enfin, Mickaël, chacun fait ce qu'il veut, elle a peut-être pas envie, tout simplement. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être parce qu'elle n'a pas trouvé encore l'homme idéal. Peut-être. Mais c'est... je suis là, je te reprends. Oh, bah, voilà l'homme idéal, tiens. Bon, Corinne, en tout cas, bravo à toi. Tu repars avec bah, soit l'écran plat, soit avec l'appareil photo numérique. Tu gères ça avec le standard, d'accord? Ok, merci. La bonne journée, à bientôt. Bisous à vous. Salut, ciao. Et dans un instant, on paye vos factures, je vous l'avais dit. Et puis, bon, on s'écoute le son de Luna maintenant sur Fun Radio à 7h05. C'est Vamos a la Playa sur Fun dans Mickaël à la radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Vamos a la... Luna sur Fun Radio à 7h08. Bon réveil tout le monde et puis bon courage. C'est mardi aujourd'hui, le 6 septembre. Et nous allons dans quelques instants payer vos factures. Je vous avais également proposé de vous inscrire pour repartir avec les scooters 125 cm3, les Kimco Like. Et avec en plus de ça, c'est 25 euros de carburant offert pour aller chez OctaPlus. Mais même si vous ne gagnez pas le scooter, c'est-à-dire qu'en gros, il faut retrouver la plaque d'immatriculation du scooter. Mais si vous ne la trouvez pas, bah, vous ne repartirez pas les mains vides. Ah, vous repartez bien avec 25 euros de carburant. L'essence qui vient d'augmenter encore. Et l'essence qui vient d'augmenter. Encore, donc ça effectivement peut bien, ouais. Ça peut être un bon plan, effectivement. Bon, pour jouer avec nous, nous avons Aurélie. Salut Aurélie. Bonjour, comment ça va Aurélie? Bien. Bah tant mieux alors Aurélie, sois la bienvenue chez nous. Aurélie, tu appelles d'où? Tu as quel âge? De Verviers. De Verviers, et tu as quel âge? 24 ans. 24 ans, très bien. Et on écoute Fun à Verviers, pour ceux qui ne savent pas, sur 105.7. Voilà. Je pense que je n'ai pas dit de conneries, c'est magnifique. Bon, tu vas repartir peut-être avec le scooter 125 cm3, le Like 125 cm3 de chez Kimco. Je l'espère pour toi en tout cas. Quoi qu'il en soit, tu as déjà gagné 25 euros de carburant chez OctaPlus. Ça, c'est plié, c'est pesé, c'est comme ça, c'est parti. Mais la question est, quelle est... Oui, c'est déjà pas mal. Quelle est la plaque d'immatriculation du scooter Kimco qu'on offre? Je sais pas du tout. Ah, ben, lâche des lettres et des chiffres. Ouais, c'est ça, lâche au hasard, on sait jamais. Ça se trouve, tu vas peut-être tomber pile poil sur le nom. Les plaques de scooter, c'est pas comme les plaques d'une voiture. Si, c'est pareil, c'est pareil. Ah ben, je sais pas moi. BLZ356. Combien tu dis? 356. Et le numéro? Et les lettres, pardon? BLZ. B et Z. BLZ. BLZ. Ah, BLZ. Oui, mais elle parle pas. D'accord. Très bien. BLZ 356. Eh bien, écoute, malheureusement, tu n'as aucune lettre et aucun chiffre dans le même mal placé. Hein. C'est pas grave. Voilà, même mal placé, c'est à côté. Bon, ben, c'est pas grave. Écoute, hein, je te fais des gros bisous quand même. Aurélie, on va quand même reste bien là. On va quand même te donner tes 25 euros chez OctaPlus. D'accord. Ok, merci. Gros bisous Aurélie, à bientôt. Oui, salut, salut. Au revoir. Bon, et dans un instant, le moment qui fait chier le buzz de la radio, faut quand même le dire. On va payer vos factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe sur le Fun boss Radio. Tremble. Mais oui, là, il est en panique totale. Tous les matins, on le fait plusieurs fois par jour sur Fun Radio. Oui, on se contente pas d'appeler les gens qu'une fois par semaine. On le fait plusieurs fois. Et c'est parti maintenant. On y va, on appelle quelqu'un. Enfin, parce que là, j'ai toujours Aurélie en même temps dans le standard. Ce qui est très pas parti d'une douille. Voilà, on appelle maintenant. Si il ou elle décroche et qu'elle répond Fun Radio, c'est gagné, bien sûr. Alors, 113 euros, ça va d'arriver pour l'hôpital. Oui, c'est cher. On rembourse combien d'offres là? 40 euros et 57 centimes. D'accord, on ne sait pas pourquoi. Non, non, très bien. Bah là, on remboursera rien du tout. On ne saura pas. Non. Thibaut. Vous n'êtes pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Merci, Thibaut. Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez. On va pas raccrocher, on va pas raccrocher avec Thibaut. Enregistrez votre message. Oui, Thibaut à 7h11. Bravo, tu as perdu, Thibaut. Tu viens de passer à côté de la facture de 40 euros et des brouettes que tu nous avais envoyées. Allez, 50 centimes. Soyons précis. Oui, soyons précis. Tu nous avais envoyé ça au 63-22. Eh bien, on t'a tiré au sort. Malheureusement, tu n'as pas décroché. C'est bien malheureux. Puisque du coup, on ne peut pas te rembourser ta facture. C'est dommage. Bon, bah, Thibaut, bah, passe une bonne journée quand même. Et puis, tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour tous les autres auditeurs. Puisque vous connaissez la règle maintenant. Si ça ne décroche pas, eh bien, vous pouvez vous réinscrire immédiatement. Et on ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent maintenant entre 7h10 et 8h10. Parce que d'habitude, on sélectionne ceux qui s'inscrivent la journée, dans n'importe quand, quoi. Voilà, total, c'est ça, ouais. dans le pot global. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, allez-y dès maintenant. On refait le tirage au sort à 8h10, 63,22, 1€ par message. Débutez ce message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Voilà, bonne chance tout le monde. Donc, dans un instant, les Deepside DJs vont arriver avec Never Be Alone. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël. Réveille la Belgique sur Fun Radio. À 7h13 sur Fun Radio, dans un instant, l'horoscope avec notre ami Doudou. Et puis je vous rappelle la petite question qui colle, là, toujours des appareils photo numériques ou écran plat à gagner. De quoi est mort un Brésilien de 16 ans? C'est sexuel, mais sexuel tout seul. Voilà, c'est, il a trop fait d'affilée. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Deepside DJ sur Fun Radio, Never Be Alone. Bonjour tout le monde et bon réveil. Pourquoi mon truc il ne marche plus maintenant? Ça commence bien, tiens. Hop là. Donc il n'y a plus rien qui marche. Bon, ben pas de musique, alors c'est pas grave. Hein. Donc, allez, vas-y. Ah, yeah. Il y a des marques de on n'est vraiment pas aidé. Hein. Bon, on est au top de la technologie, ça fait plaisir. Bon, 7h17 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite question qui colle, toujours aussi avec les écrans plats ou avec les appareils photo numériques. De quoi est mort un Brésilien de 16 ans? Voilà. Si vous avez la bonne réponse, donc comme je le disais, il s'est fait plaisir solitairement, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement, quoi? C'est ça son problème en fait. Hein. 63-22, si vous avez la bonne réponse, on paiera vos factures aussi dans un instant. On aura l'occasion d'écouter le son, la parodie qu'on a faite avec Kinvey, ce sera sur le morning. Et puis on va accueillir maintenant notre ami, l'ami, le grand ami de Julie. Fun Radio. L'horoscope. Notre ami Doudou. C'est mon Doudou. Ah eh oui, oh là là, le meilleur oui. horoscope de la bande FM. Hein, pour les 30 ans de Doudou, que personne n'a jamais donné plus de signes que moi, que oui. je suis okay, le meilleur. C'est calmé, ouais, non c'est bon. Mais qu'est-ce qui vous prend, Doudou, là? Vous avez pété une durite ou... Ouais, une plane. Non, ça va bien, mais j'ai remarqué qu'à la radio, ils disent tous qu'ils sont les premiers, les meilleurs, alors qu'ils font rien de spécial. On est vraiment les Doudou, il va le faire aussi. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, oui. Bon, alors... Doudou, hein? Oui. Ce sont les radios qui se la racontent. Hein. Bon, nous, on fait l'horoscope, c'est tout, en fait. Hein. Ah, vous voulez dire qu'il n'est pas bien, mon horoscope? Si, si, c'est juste que les gens sont pas forcément, n'ont pas besoin forcément d'entendre crier quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ah hein? Bon? Voilà, c'est bon. On s'en fout. Bon, bon, allez. D'accord. On va commencer par les béliers, Doudou. D'accord. Profitez bien de votre créativité. Hein. Votre solde bancaire va aller dans la bonne direction. Ah, bah, ça pouvait être vrai. Les taureaux. Alors, la patience est la mère de toutes les vertus. Alors, essayez de garder votre calme. C'est mieux. Les Gémeaux. Le temps est venu pour faire des projets à long terme et les réaliser. Les Cancers. Votre cercle d'amis est une encre fiable dans cette période difficile. Alors, ne les délaissez pas pour votre partenaire amoureux. Ah, tu vois, faut pas laisser lâcher ses amis, Julie. Les Lions. Vous devez absolument recharger vos batteries, sinon cela aura des conséquences sur votre santé. Les Vierges. Parfois, le monde semble s'être lié contre vous. Tout est relatif et une question de point de vue. Évidemment. Les balances. Une bonne nouvelle du côté des finances s'annonce. Ah pardon, excusez-moi. Ah, c'est tout. Les scorpions. Bah oui, c'est déjà pas mal, non? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les scorpions. On vous sera reconnaissant d'avoir résolu un problème. Ne cherchez pas à en créer pour autant. Ah, il vaut mieux pas. Les sagittaires. Chacun a besoin de son espace personnel et de ses petits secrets. Cela ne veut pas dire qu'on essaye de vous tromper. Les capricornes. C'est une bonne journée qui vous satisfait. Les verseaux. Accordez-vous du repos et de la détente, je le dis tous les matins. Bon, et enfin les poissons pour terminer, Doudou. Profitez de cette période où les étoiles vous sont favorables. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'est vrai aussi. Bon, ben merci, oui. Doudou. À tout à l'heure. Je reviens, oui, je reviens, et pas de problème. Eh ben, j'imagine bien. Et rendez-vous dans une heure, effectivement. Et côté musique, eh ben, on s'envoie le son maintenant. La parodie de l'émission, c'est le morning, tout simplement. On avait fait ça avec la musique de Kinvey, avec Sébastien Loeb qui sera là pour la déclaration express tout à l'heure. Et avec moi-même à 7h20, Mickaël Kinvey, c'est le morning sur Fun Radio. Bon réveil. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop. Que Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop ton réveil. Tu entends que je suis là, ouais. Mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Je t'emmène. Motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Crédible. Mais pas vraiment, non. 7h23 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Nous sommes là jusqu'à 9h30 avec les écrans plats encore à gagner tout à l'heure. Les écrans plats et les appareils photo numériques. Dans un instant, on donnera la réponse à la petite question qui colle qu'on vous a posée tout à l'heure. Donc, de quoi est mort un Brésilien de 16 ans? Vous avez de l'imagination, hein, beaucoup d'imagination qu'on ne peut pas forcément lire à cette heure-ci. Ah non, certainement c'est pas. C'est dommage. Non. Mais j'avais bien l'idée de la bite d'amarrage. Voilà, on va rester là. Je pense qu'on ne va pas donner plus de. Oui, non, non, le démarrage, c'est là où s'accrochent les bateaux. Les bateaux, oui, exactement, sûr, tout à fait. C'est pas très large, en plus. Voilà, exactement. Ah non, bon, pas du tout. Mais pas du tout, même. Bon, dans un instant, donc, comme je le disais, il y aura les infos. Ce sera dans 5 grosses minutes. Et puis, bah, maintenant, c'est le retour du grand médecin de cette émission. Et oui, le docteur Jean-Pierre Caillou et ses fameux conseils. Bon, comment allez-vous, Jean-Pierre là? Je peux vous appeler Jean-Pierre maintenant? Faites donc, Mickaël, faites donc. Et moi aussi, je peux vous appeler Jean-Pierre? Non, je suis un peu jaloux, là. Quand vous serez sage, monsieur Toff. Bon, alors, bon, pour éviter les jalousies, les enfantillages de Toff, je vais continuer à vous appeler par votre nom, ce sera plus simple pour tout le monde. Bon, on vous écoute pour le courrier du jour, docteur Jean-Pierre Caillou. Alors, Mickaël, la première lettre que j'ai reçue, attendez, voilà, je lis. Voilà, vous gagneriez un petit peu de temps si vous aviez trouvé vos papiers, mon frère. Voilà. Cher docteur Caillou, je m'appelle Kevin Souris, enfin, j'ai déjà, 17 ans. Ça démarre mal. Ah oui, le pauvre, il n'a pas aidé avec son nom, ça, non, c'est ça sûr. C'est clair. Alors. Ça va être la rentrée des classes et je me fais du souci car je me fais souvent dessus pendant les cours. Mais le pire est que ce sont comme des petites billes brunes et tous mes amis se moquent de moi quand cela tombe de mon pantalon. Que dois-je faire? Car après les cours, ma chaise en est remplie et en plus tout le monde m'appelle, mais voilà, Kevin Lapin. Ah ouais, mais on a le même problème avec Agache, il nous appelle Fab. Bon, après, on va taire son nom évidemment. Enfin bref, ça l'aidera en tout cas s'il écoute les conseils. Alors qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme solution, docteur? Alors ma réponse, ces petites billes dont il me parle, moi j'appelle ça des cibales, hein, c'est dans le terme médical, et d'accord. C'est semblable à celle des rongeurs en fait. Hein. C'est pas leur prix. Non, pas du tout. Ce sont comme des petites crottes de lapin, donc ses amis n'ont pas vraiment tort de l'appeler Kevin Lapin au lieu de Kevin Souris. Mais forcément, les petites crottes tombent. Voilà. Donc la solution. Alors, quelle est la solution, justement, voilà. Alors ça, la solution pour éviter les moqueries serait d'acheter des chaussures avec une pointure un peu plus grande. C'est une idée. Voilà. Qu'il essaie de se retenir quand il est en classe et à la récré, il les fait glisser délicatement à gauche ou à droite selon ses envies jusqu'à ce que ça tombe dans sa chaussure. Ah oui, d'accord. Voilà. Pourquoi pas? Et ensuite, comme si de rien n'était, il pourrait dire à ses amis « Oh, j'ai un petit caillou dans ma chaussure. » Il enlève, voilà, il enlève sa chaussure et fait tomber doucement les excréments. Ses amis n'y, voilà, n'y verront que du feu. Normalement, en tout cas. Hein. Vous êtes trop fort, docteur Caillou. Mais oui, c'est un crack, le docteur. De toute façon. Ouais, mais dites-moi, docteur Caillou, si Kevin avait eu la coulante, par exemple, vous lui auriez conseillé quoi? Oui, alors en fait, docteur, donc, je crois que Toff n'ose pas dire que c'est pour lui, en fait, le problème. Hein. Mais ça ne sera pas le premier ni le dernier, Michael. J'en vois tellement dans mon cabinet. Ah, ça, j'imagine. Bon, alors pour Toff, donc, il y a la coulante. La solution serait la même que pour Kevin, mais il faudrait qu'il mette des sacs plastiques dans ses chaussures. Ah bah oui, enfin, pour pas salir. Pour pas les salir. Eh oui, c'est pas mal. Et puis là, il pourrait dire la petite excuse, tiens, il y a plein de boue à cause des travaux chez Fun Radio. Ah bah oui, évidemment, c'est clair qu'on va le croire, effectivement. Ouais. Hein. Mais enfin, oui. Michael, l'idéal serait quand même qu'il y ait vraiment des travaux ici. Hein. Oui, oui, effectivement, évidemment, évidemment. Bon, bah écoutez, sur ces magnifiques conseils, on vous souhaite une excellente journée, docteur Caillou, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci, Michael, à la semaine prochaine. Au revoir, docteur. Oui, au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Il était gentil. Bon, retour du... Au revoir, à moi. Bah je sais pas, il a même pas dit au revoir à Julie, je sais pas si t'as remarqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, non, mais moi, il me regarde même pas. Hein. C'est ça. Je crois qu'il aime pas. Enfin, les filles, ils s'en foutent. Il a peut-être un problème avec les filles, effectivement. Ça. Dans un instant, l'info sur Fun Radio. Et avant ça, la réponse aussi, très rapidement, à la question qui colle. De quoi est mort, pardon, un Brésilien de 16 ans? Bonjour, comment tu t'appelles? Fabrice, 22 ans de Namur. Fabrice, ah, nous sommes du côté de Flandre. Non, il est à Namur. Fabrice, ça parle flamand en tout cas. Bon bah tant pis pour Fabrice, c'est agaçant les gens qui sont standard, on leur dit tu vas passer et ils sont ailleurs. Bon bah tant pis, la réponse était c'est un mec en fait qui s'est tellement masturbé qu'il en est mort. C'est un journal local qui le dit, le jeune de 16 ans se serait masturbé 42 fois d'affilée et il en est mort. Voilà. Bon, allez, on revient avec l'info dans quelques instants, ne bougez pas, tout de suite. Michael, à la radio. Hey, Michael, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Michael, à la radio. Michael, à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Michael, à la radio, sur Fun Radio. La gente está muy loca. C'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio à 7h31, Sac Noël avec Loca People. Il y a l'info qui va arriver aussi dans un instant, mais avant cela, la petite devinette qui colle, toujours les écrans plats à gagner ainsi que les appareils photo numériques, enfin l'un ou l'autre, vous choisissez. Quel est le seul instrument à vent à une seule corde? Voilà, si vous avez la bonne réponse. Je crois que c'est un instrument qui doit beaucoup vous plaire. Oui, c'est vrai. Quel est le seul instrument à vent à une seule corde? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a les écrans plats ou les caméras, enfin les appareils photo numériques qui sont à gagner. Bonne chance, c'est 1€ par message. Et à 7h32, un peu la bourre, l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, semaine décisive pour le formateur Elio Di Rupo. C'est vrai, on le dit souvent, mais cette fois c'est peut-être la bonne. Aujourd'hui, il présente sa note modifiée au Oui Président de Parti. Cela fait 450 jours qu'on attend un gouvernement. Et plus que jamais, le pays a besoin d'un gouvernement de plein exercice. Les bourses étaient encore dans le rouge hier. Le Belvin a perdu 4,61%. Un lundi noir qui bat le record de mars 2009. Ce matin, les bourses de Tokyo ont ouvert à la baisse. La crainte de la dette grecque et la crise économique affolent les marchés. Les Belges ont 9 millions de crédits en cours. Le nombre de crédits n'a cessé d'augmenter ces dernières années en Belgique. Il y a 4 ans, le nombre de crédits en cours atteignait 7,4 millions. Les 9 millions de crédits en cours ont été contractés par un peu plus de 5 millions de particuliers et le nombre d'emprunteurs avec au moins un crédit défaillant a également augmenté. La semaine dernière, 40 détenus qui étaient sous surveillance électronique ont disparu des écrans radars. Les agents de l'équipe mobile l'ont débrayé hier pour dénoncer leurs conditions de travail. D'après un des agents, une dizaine de cas de disparition de détenus qui avaient donc un bracelet électronique ont été recensés cette semaine, mais le ministre de la Justice, Stéphane De Clercq, n'est pas au courant. Apparemment, la direction lui cacherait. Autre problème soulevé par les agents, le manque de personnel flamand et un service trop petit pour gérer les attentes politiques. Les antidépresseurs ont la cote. Plus d'un million de patients sont sous antidépresseurs en Belgique. D'une manière générale, la consommation de médicaments augmente encore. Une hausse qui inquiétait déjà la ministre fédérale de la Santé, Laurette Ankelinx, l'an passé. Celle-ci avait convoqué une table ronde avec les médecins, des mesures qui n'ont manifestement pas suffi. La rentrée reportée d'une semaine au collège Saint-Benoît à Maretsous suite au sabotage de l'installation de détection d'incendie. Les soupçons portent sur un ou des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier de sécurisation de tout l'établissement. Des ouvriers ont en effet connu un différend avec leur employeur. Une enquête a été ouverte. Et puis des vols depuis et vers l'Italie perturbés. Le principal syndicat italien organise une grève générale de 10 à 18 heures pour dénoncer le plan de rigueur du gouvernement italien. Et puis enfin en sport, cyclisme, Tom Bonnon attend des examens complémentaires concernant sa fracture à la main gauche pour annoncer s'il participe ou non au championnat du monde à Copenhague. Et puis ce soir, les Diables Rouges affrontent les États-Unis en match amical. 7h34 et perdons un peu de temps avec la météo. C'est la pluie qui va bercer notre journée. Elle commencera à toucher le littoral ce matin et atteindra le centre du pays à la mi-journée. Température de 15 à 21 degrés. Demain, le soleil devrait gagner un peu plus la partie sur les nuages. C'est la bonne nouvelle. 7h35, on va faire un tour du côté maintenant de l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Oui, glander sur le web booste la productivité. Alors les boss, c'est ce que je fais là, d'ailleurs je suis sur Facebook. Les boss qui nous interdisent justement, comme le dit Top, Facebook ou encore YouTube au bureau, eh bien ils ont bien tort, parce qu'une étude l'a prouvé, c'est bon pour nous de surfer un petit peu sur internet pendant un une petit petite peu, hein. Ouais, ah oui, non évidemment il faut pouvoir aussi se canaliser, hein. Il n'y a pas non plus 5 heures sur Facebook, c'est pas ça qui va nous aider à mieux travailler. Donc se détendre sur le web remotive les gens après de longues heures de travail répétitif. Cette pause les rend plus productifs. Ou alors après de longues heures sur Facebook, ils sont motivés pendant quelques minutes sur le travail. Ils sont mieux motivés, c'est vrai. 7h35 sur Fun Radio, on paiera vos factures dans quelques instants. On jouera au petit déj express aussi, si vous voulez faire un petit jeu avec nous. Toff se transforme en serveur. Oui, le meilleur serveur. Il fait toujours assez peur. C'est vrai. Donc 30-44 pour vous inscrire, c'est 50 centimes par SMS. Vous débutez le message par déj, en fait, tout simplement. D-E-J. Et je vous rappelle la petite devinette qui colle aussi. Allez, vas-y. Mais oui, il y a quand même un écran plat ou un appareil photo numérique qui est gagné. Quel est le seul instrument avant à une seule corde? Pas mal de messages sont arrivés également. En général, ce sont les femmes qui le mettent. Mais ça peut aussi arriver pour les hommes. Enfin, c'est quand même assez rare. Hein. En général, les hommes mettent plutôt du léopard. Oui, et puis voilà. La corde est plus large. Oui, c'est vrai aussi. Pardon. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1 euro par message. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. What the fuck? What the fuck? Sac Noël à l'instant sur Fun Radio avec Loca People, 7h39. Bon réveil tout le monde. Et je vous rappelle encore une fois la petite devinette qui colle. Quel est le seul instrument à vent à une seule corde? En général, ce sont les femmes qui en portent. Les mecs aussi parfois. Mais si c'est des mecs, en général, c'est léopard. Voilà. Enfin, je pense. Ou cuir. Hein. Cuir. Ou cuir, ouais, ça dépend aussi. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus large. En tout cas, bon courage à toutes les filles qui en portent. Ça va quand même être très désagréable, non? Enfin, pas du tout. Ah bon? Non, vraiment pas. Je sais pas, moi ça me dérangerait d'avoir ça. On ne le sent pas en fait. Hein. Ouais, elle adore peut-être ça. Plus. Ouais, bah peut-être, ouais. Bon, 63,22 si vous avez la bonne réponse, c'est 1 euro par message. Quel est le seul instrument avant à une seule corde? Voilà, tout simplement, il y a des écrans plats ou des appareils photo numériques qui sont donc à gagner. Il y a Fred qui est avec nous maintenant pour le petit déj express. Salut Fred. Bon. Comment ça va Fred? Bah, un peu la tête dans le cul, ça va. Oh, oulala, bah... oui, c'est le grand matin là. Ouais, hein. C'est le matin pour tout le monde, qu'est-ce que tu veux? Bon, ouais. Alors, quoique, c'est quasiment nous là. C'est... Ah bah voilà, ah bah bravo. Ah donc il commence déjà à tout casser. Ah bravo, en fait. C'est-à-dire qu'il a pas fait 5 mètres, que déjà il a pété des trucs, toi. Enfin, c'est parfait. C'est-à-dire que je n'ai pas encore levé le plateau, que déjà c'est tombé. En voilà, fait, il est passé, ouais. Il a frôlé le catalogue qui était là, il y avait un verre dessus. Eh bah voilà. Bon, alors attention, Fred, tu as quel âge? 22 ans. D'accord, ok, très bien. Tiens, on proposait un tampon comme réponse. Mais je vois mal les mecs mettre un tampon. Hein. Oh, tu sais, il y a des mecs bizarres. Ouais, non, mais, sûr qu'il y en a qui ont déjà essayé. Non, mais quand t'es bizarre, peut-être, mais en temps normal, voyons. Bon, Fred, attention, tu vas jouer au petit déj express. Le petit déj express, pardon. C'est facile. Toff se prend pour un serveur. Il a des objets de petit déj hein, sur le tableau, oh, oui, oui. Sur le plateau, pardon. Ah, bon petit déj. Ah, oui, que des bouteilles d'alcoolique. Voilà. Et donc, il va faire. Un petit déj alcoolo, quoi. Il va tenter de faire le tour du studio et tenter de ne rien faire tomber. Mais à ton avis, sur 10 objets qu'il y a sur le plateau, combien d'objets restera-t-il? Pour être raisonnable, je vais aller 2. Eh bien, tu es peut-être un peu optimiste, mais 2, c'est validé. Bah, c'est-à-dire que Toff s'améliore de jour en jour. Oui, hein. Mais bon, tu remarqueras que ça tombe toujours malgré tout au final. Hein. Oui, c'est vrai, mais on ne sait jamais. C'est vrai. On allez, c'est jamais. Parti, on y va, go. Vas-y, Toff. Allez, pour l'instant, tout va bien. Oui. Non, c'est le tournant, non, c'est le tournant. Aïe. Bon, Fred. Ouais, j'étais plus loin ouais. encore. Ouais, il était oui, plus loin, mais, plus tu... plus mais... Loin. Ouais, mais pas encore assez. Un jour, je vais faire un tour. Bah, c'est pas sûr encore. Hein. Bon, bah, en tout cas, bravo à toi, puisque tu as perdu. Ah, dommage. Bah, c'est pas grave, Fred. Hein. Tu retentes ta chance. Parce que tu as perdu. Tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Eh ben, ok, pas de soucis. Salut, à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Et bonne mission. Eh ben, merci à toi, Fred. Et nous, on va revenir dans un instant avec la réponse, la devinette qui colle, avec également la ligne anti-relou et l'infotrafic. Ça arrivera dans 5 minutes. Ne bougez pas de là sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio. Il est 7h42. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. 7h46 sur Fun Radio, bonjour et bon réveil tout le monde. On fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Soyez prudents, il y a un accident sur le 411 Bruxelles en direction de Namur-Luxembourg à hauteur de Hachy. Donc c'est la bande de droite qui est obstruée et c'est un véhicule qui est sur le 3. Donc bah faites attention. Hachy, c'est mignon. Bah, faites attention quand même. Place verte. Ah bah génial. Ouais. Oh. 7h47 sur Fun Radio, si vous êtes témoin d'un accident sur la route, d'un bouchon, d'un radar, n'hésitez pas à nous transmettre surtout toutes les infos. Bah, ouais. 30-44 par SMS et 50 centimes le message, ou alors si vous voulez que ce soit gratuit, si vous avez un smartphone, vous me faites un petit mail mikael@funradio.be. Mikael à la radio. Pour un monde sans relou. C'est le rêve de chaque fille sur cette terre et dans ce pays particulièrement, le monde sans relou. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce numéro, le numéro de la ligne anti-relou 0473 86 0013, numéro qu'il faut connaître par cœur les filles. Vous le donnez aux relous qui sont en train de vous tenir la jambe, ils vont être contents comme ça, ils vont arrêter de vous tenir la jambe puisqu'ils auront votre numéro de téléphone, sauf qu'ils ne savent pas. Bah, c'est que c'est le nôtre. Oui. Voilà, donc ils vont laisser des messages comme celui-ci par exemple. Ouais, salut, c'est moi. Je sais pour savoir quand on se voit tantôt au cinéma, mais on le fait après, hein. Parce que tu m'avais dit que c'était chaud, mais voilà. Dis-moi ça. Ah, le mec, c'est ouais, bah, t'inquiète pas, on va au cinéma, mais t'inquiète pas, on va le faire après, hein. Quand bah tu oui, m'as dit que oui. T'étais chaude, dis-moi quoi. C'est le mec comme ça, il se prépare. Oui, bien sûr, oui, t'inquiète est-ce pas. Est-ce que je prends des capotes et est-ce que je mets mon petit. On a un peu l'impression qu'il se force à aller au ciné pour faire quelque chose avant, tu vois. Donc il la rassure, t'inquiète, ça va. Tu as failli donner la réponse à la petite devinette qui colle, Toff. Pas du tout. Si, tu as failli. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Bah, salut, j'ai ton annonce sur Je Contact. Donc voilà, si tu veux me recontacter, c'est au 0485. Merci, au revoir. Bisous. Bon, ça va, ça c'était un. Ah non, mais lui, moi je l'aime bien. C'était un gentil. D'ailleurs, Julie va le rappeler. Mais non, oui, tout à fait. Parce que nous avons les numéros de téléphone aussi. Hein, non, ça moi qui je est, ne ça rappelle bien. Personne. Donc lui, c'était un relou mais gentil. Et non, enfin, oui. Le dernier, écoutez bien. Oui, alors, Catherine, c'est moi. Tu m'as laissé en plan, là. Je sais pas quoi faire. Voilà. On va faire rien. Si t'allais venir. Voilà. Voilà. C'est tout. Ah oui. Au revoir. Allez. J'ai un peu pitié, mais en même temps, je me dis, on a toutes eu un relou, mais ouais. Qui est vraiment relou et qui ne te lâche pas, quoi. Ouais, à un moment donné, tu lui vrai. Donnes un rendez-vous, puis tu le laisses en plan pour essayer de qu'il comprenne. Mais lui, il avait quand même la palme, hein. C'est-à-dire que ce premier rendez-vous, il y va pas, il est déjà au bord du suicide, le pauvre. Non, mais c'est. Ah oui, non, mais oui. C'est pire que ça, c'est-à-dire que le mec, il appelle avant quand même pour dire on va baiser, et après, bon, bah, t'es pas là. Mais pourquoi tu me fais ça? Oui, c'est ça, je suis vraiment triste, j'étais amoureux, j'étais love. Le retour de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure dans moins d'une heure sur Fun Radio. Toff va essayer aussi dans un instant de gagner de l'argent avec un avocat contre sa femme parce qu'elle fait pas assez souvent l'amour. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis on donnera la réponse aussi à la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou un appareil photo numérique. Quel est le seul instrument avant à une seule corde? Voilà, pour ceux qui débarquent. En général, ce sont les filles qui en mettent assez régulièrement. Sinon, ça peut être les mecs, mais

Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Mais avant ça, nous avons la bonne réponse, du moins j'espère, à la devinette qui colle. Qui est avec nous, bonjour? Valérie, 25 ans de Siro. Salut Valérie de Siro. C'est tout près de où, Siro? Siro, c'est ton père de Hatt, c'est là où mon papa est né. Ah d'accord, ok, très bien. 95.4, salut Valérie. Salut. Ah, je suis très déçu, c'est un homme. Oui, t'as vu un peu? Je l'ai fait exprès. Ah, et t'as eu là. Bon, ça va bien Valérie? Ça va bien, vous? Ben, ça va bien, oui. En même temps, pour répondre à ce genre de questions, ça ne m'étonne pas, finalement pas beaucoup que ce soit un homme. Quel est le seul instrument avant à une seule corde, Valérie? Un string. Eh oui, c'est un string. Bravo à toi, Valérie. Et d'ailleurs, je vais vous faire une démonstration. Tout à fait. Petit chant. Je n'ai pas de démonstration à faire. Bon, je suis très déçu. Moi aussi. Par contre... Oui. Je pense que quelqu'un dans le studio ici pourrait le faire. Bah oui, Toff, mais il a déjà fait ça. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait qui est pas. En fait, c'est du vu, déjà vu, revu. Ah, ouais, bah, ouais, okay. Donc tout le monde sait, c'est de notoriété publique que tu portes des strings. Voilà. Mais bien évidemment. Ah d'accord, ok. D'ailleurs, en fait, tu vois, je mets des caleçons américains, mais en fait, en dessous, je mets un string. Ah voilà. Ok. Ouais. Donc tu vois, pour garder une certaine constance, on sait jamais, tu gardes le caleçon, mais en fait. Non, je garde le string, c'est ça. Oui, il garde tout, t'inquiète pas. D'accord. Bon, Valérie, en tout cas, bravo à toi. Tu repars donc avec les cadeaux, tu vas retourner au standard et tu vas choisir au standard, d'accord? Merci beaucoup. Salut Valérie, à bientôt. Ciao à toi, bye bye. Et puis enfin, la question qui colle, on enchaîne vite fait avant les infos. Où un chauffeur allemand a-t-il mis une cliente plutôt que de la conduire chez elle? Voilà, si vous avez la bonne réponse, eh bien là aussi, 63-22, vous y allez. C'est un chauffeur de taxi, hein, de Hambourg, pour être précis, dans le nord de l'Allemagne. Bonne chance tout le monde, et l'info arrive dans une minute. Mickaël à la radio, sur Fun Radio. 8h01 sur Fun Radio, on est de retour. Je vous répète la petite question qui colle au corps des cadeaux, appareil photo numérique et grand plat gagné. Où un chauffeur allemand a-t-il mis une cliente plutôt que de la conduire chez elle? Un chauffeur de taxi, on proposait, dans son lit. Non, pas du tout, ce n'est pas la bonne réponse. C'est... Non, voilà, en fait, en gros, la cliente l'a un peu énervé. Enfin, l'a énervé, donc du coup, il s'est... voilà, il l'a mis ailleurs dans sa voiture plutôt que sur le siège passager, quoi, en gros. 8h01 sur Fun Radio, c'est parti maintenant avec l'info. Nissan change les règles lors de ses portes ouvertes. Du 9 au 17 septembre, profitez de la Nissan Pixo au prix incroyable de 5 750 €. Offre soumise à condition. L'info avec Julie. Salut à tous, semaine décisive pour le formateur Elio Di Rupo. C'est vrai, on le dit souvent, mais cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Aujourd'hui, il présente sa note modifiée aux 8 présidents de parti prêts à négocier. Et cela fait 450 jours qu'on attend un gouvernement. Et plus que jamais, le pays a besoin d'un gouvernement de plein exercice. Les bourses étaient encore dans le rouge hier. Le Belvin a perdu 4,61%. Un lundi noir qui bat le record de mars 2009. Ce matin, les bourses de Tokyo ont ouvert à la baisse. La crainte de la dette grecque et la crise économique affolent les marchés. Les Belges ont 9 millions de crédits en cours. Le nombre de crédits n'a cessé d'augmenter ces dernières années en Belgique. Il y a 4 ans, le nombre de crédits atteignait 7,4 millions. Les 9 millions de crédits ont déjà été contractés donc aujourd'hui par un peu plus de 5 millions de particuliers. Le nombre d'emprunteurs avec ou au moins un crédit défaillant a également augmenté. La semaine dernière, 40 détenus qui étaient sous surveillance électronique, donc avec un fameux bracelet électronique, ont disparu des écrans radars. Les agents de l'équipe mobile ont débrayé hier pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils ne suivent plus. D'après un de ces agents, une dizaine de cas de disparition de détenus ont été recensés cette semaine. Mais le ministre de la Justice, Stéphane de Clercq, n'est pas au courant. La direction lui cacherait. Autre problème soulevé par les agents, le manque de personnel flamand et un service trop petit pour gérer les attentes politiques. Les antidépresseurs ont la cote. Plus d'un million de patients sont sous antidépresseurs en Belgique. D'une manière générale, la consommation de médicaments augmente encore. Une hausse qui inquiétait déjà l'année dernière la ministre fédérale de la Santé, Laurette Ankelings. Celle-ci avait convoqué une table ronde avec les médecins, des mesures qui n'ont manifestement pas suffi. La rentrée reportée d'une semaine au collège Saint-Benoît à Maretsou suite au sabotage de l'installation de détection d'incendie. Les soupçons portent sur un ou des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier de sécurisation de tout l'établissement. Des ouvriers qui ont en effet connu un différend avec leur employeur. Une enquête a été ouverte. Et puis les vols depuis et vers l'Italie aujourd'hui seront perturbés. Le principal syndicat italien organise une grève générale de 10 à 18 heures pour dénoncer le plan de rigueur du gouvernement italien. Et puis enfin, en sport cyclisme, Tom Bonnon attend des examens complémentaires concernant sa fracture à la main gauche pour annoncer s'il participera, oui ou non, au championnat du monde à Copenhague. Et puis ce soir, les Diables Rouges affrontent les États-Unis en match amical. 8h04 et la météo maintenant. C'est la pluie qui va bercer notre journée. Elle commencera à toucher d'abord le littoral ce matin et puis elle attendra tout doucement le centre du pays à la mi-journée. Température de 15 à 21 degrés avec un vent quand même soutenu. Demain, le soleil devrait gagner un peu plus la partie sur les nuages. C'est déjà ça de près. 8h05 sur Fun Radio. L'info en plus, et c'est dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h05 sur Fun Radio, l'info en plus maintenant. Eh bien, il y a une petite étude qui m'intéressait beaucoup et qui va intéresser beaucoup de filles, c'est que les hommes sans emploi, eh bien, se mettent de plus en plus aux tâches ménagères. Mais moi, j'ai les filles, prenez un chômeur. Ouais, non, mais j'avais plus dans l'image d'un mec qui était en général devant la télé, tu vois, avec ses chiffres, en train d'en foutre partout. Eh bien, pas du tout. Je pense que c'est un nouvel homme que nous avons de plus en plus à nos côtés. Le nouveau cru. Et c'est pas plus mal. Ils redéfinissent leur masculinité. Ils restent à la maison pour s'occuper des enfants et s'essayent aux travaux domestiques. Non, parce qu'en fait, le mec, il a mis le temps, mais il s'est rendu compte qu'au final, ça sert à rien d'aller bosser, que la femme reste à la maison, non, c'est elle qui a la belle vie. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que les hommes. Autant qu'elle aille bosser, tu vois, qu'elle ramène le pognon. Non, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Les hommes, ils ont un salaire généralement plus élevé, donc c'est eux vrai. Qui passent à la trappe avant les femmes. Et donc, ils souffrent plus de la crise. Et alors, ils se sentent un peu honteux d'avoir perdu leur job et ils se sentent reconnaissants envers leur partenaire d'avoir un salaire. Et donc, ils essayent d'aider leur partenaire dans les tâches ménagères de tous les jours. C'est ça, alors que des mecs comme Duff, lui, c'est bah, et donc, t'as fini à 6h, mais c'est bon, t'as 2 heures pour nettoyer encore. J'ai pas eu le temps, moi tu comprends bien. Et après tu nous feras à bouffer, bah c'est normal, j'ai les maîtresses qui défilent à la maison. C'est bien ça, sûr. Voilà. Bon allez, l'info revient tout à l'heure à 8h30 sur Fun Radio. Dans un instant, on va vous payer votre facture. Si vous voulez vous inscrire pour ça, c'est facile. Je vous rappelle que tout à l'heure ça n'a pas décroché, ce qui veut dire que maintenant, eh bien, ça va d'office, je sais pas, mais en tout cas on va sélectionner que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10. Donc il vous reste encore le temps d'écouter Snoop Dogg, ça va durer 3 minutes 30. Il vous reste 3 minutes 30 pour vous inscrire, 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Petit exemple qui vient d'arriver aussi, réservation Disney avec mes enfants, 339 €, 130 € aussi. 75 € pour Belgacom, 7 000 € pour la voiture, oui bah oui. Citibank, 1 250 €, 167 € pour le dépannage de la voiture mal garée, c'est dommage. Carrelage également, 3 457 €, dis donc. 50 € pour une bague fantasy, 93 € pour l'eau, bref, 63-22, débutez le message par facture, c'est 1 € par message et on va s'écouter le son de Snoop Dogg maintenant avec T-Pain, c'est boom sur Fun, bonne matinée. Get your money. Le son de Snoop Dogg à l'instant sur Fun Radio, c'était boom, il est 8h11, soyez les bienvenus, on va vous payer votre facture maintenant, attention. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Voilà, et dans un instant on vous paiera aussi votre scooter, on vous l'offrira peut-être, le Kymco 125 cm3 like. Là pour les inscriptions c'est au 63-22 aussi, en débutant le message par scooter. On en parlera dans un instant, il y aura aussi 25 €, un chèque de 25 € à gagner pour aller chez Octaplus faire le plein. Alors, on appelle maintenant chez quelqu'un qui s'est inscrit au 63-22. Allô ? Allô, bonjour. Allô ? Allô ? Dites-toi, calme-toi. Oui. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Allô ? Allô ? Oui, allô. C'est Fun Radio ? Oui, c'est Fun Radio. Oui, c'est Fun Radio. T'entends un peu l'aigreur. Allô ? Oui ? Allô ? C'est Fun Radio ? Tu vois ? Mais qui t'appelle à 8h11, tu vois, bah, t'es un peu... Tu sais pas, hein. Bah si oui. Tu veux, je peux t'appeler, moi. Ouais, c'est ça. Bon, comment tu t'appelles ? Siam. Comment ? Siam. Siam, oui. Siam. Ah, d'accord, Siam, d'accord. Bon, combien la facture, Otof ? Une fortune, 36,30 €. Oh, et 36,30 €, c'est la facture Siam. Mais tu veux qu'on te rembourse ? C'est quoi, le 36,30 €, c'est le téléphone ? Non, en fait, il y a une facture d'hôpital pour des petits examens. Ah, oh, d'accord, ok, très bien, pas de problème. Bon, eh ben, écoute, pas de problème, on va te rembourser la facture, il n'y a aucun souci. Hein. Super, je suis trop contente. Eh ben, je t'en prie, Siam. Merci beaucoup, Siam. Gros bisous, Siem. À bientôt. Ciao. Salut. Et ciao, voilà, une bonne chose de faite. Bon, bah, vous pouvez vous inscrire encore les autres maintenant. 63-22. Débutez le message par facture. Dans moins d'une heure, on remet le couvert. Dans moins d'une heure, on repaye vos factures. 63-22. Débutez par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. J'aurai aussi des places à vous filer pour une soirée qui va déchirer. Ça se passera au lac de l'odeur. On en parlera tout à l'heure. On va les filer maintenant. Non, on en parlera tout à l'heure. Restez bien là. Et puis mon son préféré, Niro, qu'on écoute maintenant, Promises sur Fun Radio. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Vous aimez, vous n'aimez pas. J'ai fait écouter à plusieurs personnes, dont plusieurs filles, qui m'ont dit ah non, ça déchire et tout. Et je dis mais passer le matin, ça te dérange pas? Ah non, non, non, non. Ah non, bah, okay. Plus c'est fort, plus ça me va. Voilà. Le son de Niro à l'instant, c'était Promises sur Fun Radio, 8h16. Et ça y est, encore une nutrice cette fois-ci qui a rapporté encore, encore des petits déj. Donc ça fait le deuxième ce matin, donc c'est pas mal. Hein. Je crois mais que où ça va s'arrêter? On va prendre vraiment 40 kilos ici. Voilà. Et en plus, l'auditrice... parce que j'ai repris mon vélo là maintenant. Ah oui, mais l'auditrice n'a quand même pas très peur parce qu'elle s'est quand même assise en mini-jupe à côté de Toff. Oui, voilà. C'est parce qu'elle a pas eu le choix, la chaise était là. Je tiens à préciser qu'elle n'a peur de rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'elle se rend pas bien compte. Ouais. Vraiment pas bien compte. Mais merci en tout cas à elle pour les pains au chocolat et merci à notre autre auditeur. Oui, tout à fait. On est bien. Pour les croissants, donc voilà, moi, c'est bien. Moi, je suis plus pain au chocolat. Moi. À partir de demain, s'il y a un troisième auditeur, on va pouvoir ouvrir une boulangerie à 33 000 télémètres, comme ça, on va les revendre. Bon, je rappelle la petite question qui colle là. Où un chauffeur de taxi allemand a-t-il mis une cliente plutôt que de la conduire chez elle? En gros, elle était dans la voiture déjà. Donc, à un moment, elle s'est énervée. Lui aussi s'est énervé. Il est sorti, il lui a mis une patate. Et qu'est-ce qu'il en a fait après? Du corps, malgré qu'elle ait encore en vie, évidemment. Mais du corps. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah oui, oui, oui. Il lui a mis une patate. Elle ne savait plus où elle était, la pauvre. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ par message, écran plat, appareil photo numérique, c'est à gagner avant 8h30. Et puis bah là, nous allons accueillir maintenant notre ami à tous. Fun Radio. L'horoscope. C'est notre ami Doudou là. Doudou. Qu'est-ce qu'on a dit, Doudou? Plus de cuisine en studio, ça pue! Ah oui, mais c'est pas moi, moi j'ai rien cuisiné là. Mais hein. Vient d'où l'odeur alors? Ah, je sais pas, moi, faut demander à Julie, hein, elle a peut-être mangé quelque chose de pas frais. Bah, après... merci. Ah oui, ça doit être le truc qui est en train de manger là, tiens. On sent un pain au chocolat, attends, ça va. Bon, Doudou, allez, c'est parti, on y va, les béliers. Alors, profitez bien de votre créativité, votre solde bancaire va aller dans la bonne direction. C'est déjà ça. Ah, les... l'euro million. Les... Oui, j'avais pas l'euro pensé. Million, Mickaël. Oui, c'est vrai, peut-être. 126 millions. On vous rappelle que Mickaël est bélier. Oui, ouais. Tout à fait, 120 et riche ce soir. Il aura peut-être la bonne créativité des numéros. Oui, riche et généreux. Et oui, et avec 126 millions, je rachète les signes astrologiques. Attention. Bah, m'arrange si on peut en faire moins. C'est vrai, les taureaux. La patience est la mère de toutes les vertus, alors essayez de garder votre calme. Les gémeaux. Le temps est venu de faire des projets à long terme et de les réaliser. Les cancers. Votre cercle d'amis est une encre fiable dans cette période difficile, alors ne délaissez pas pour votre partenaire amoureux. Les lions. Vous devez absolument recharger vos batteries, sinon cela aura des conséquences sur votre santé. Les vierges. Vous devez absolument... Non, je l'ai déjà dit, celui-là. Oui. Parfois, le monde semble être lié contre vous, mais tout est relatif et une question de point de vue. Évidemment. Les balances. Une bonne nouvelle du côté des finances s'annonce. Déjà, ça, bonne nouvelle aussi, tiens. Les scorpions. Oui, peut-être que tu vas partager le million. Ouais, bah ça me dérange pas, hein. Ah oui, ça va alors. Alors, Scorpion, on vous sera reconnaissant d'avoir résolu un problème, mais ne cherchez pas à en créer pour autant. C'est pas faux. Les Sagittaires. Chacun a besoin de son espace personnel et de ses petits secrets. Cela ne veut pas dire qu'on essaye de vous tromper. Les Capricornes. C'est une bonne journée qui vous satisfait. Les Verseaux. Accordez-vous du repos et de la détente depuis le temps que je le dis. Mais oui, c'est une bonne idée. Et enfin, les poissons. Profitez de cette période où les étoiles vous sont favorables. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça, c'est clair. Bon, Doudou, on vous retrouve dans une heure. Oui, d'accord. Très bien, on donnera la réponse aussi, la petite question qui colle. Et enfin, nous aurons dans quelques instants la déclaration express avec Sébastien Loeb. Et côté musique à 8h19 sur Fun Radio, Pitbull et Marc Anthony, c'est Rain Over Me. Pitbull, c'est avec Marc Anthony sur Fun Radio, 8h23, soyez les bienvenus si vous arrivez. Dans un instant, il y aura l'info avec Julie, la réponse aussi à la question qui colle. Il y aura encore une petite devinette qui colle, tout ça avant 9h, bien évidemment. Et puis, nous avons évidemment aussi Sébastien Loeb qui est là pour la petite déclaration express. Pourquoi cette voix débile? Tu m'as dit de mettre un petit peu plus de joie. On dirait on dirait que tu viens d'enterrer toute ta famille à chaque fois que tu parles. Donc tu vois, du coup, je mets un peu plus d'or. Il est content, il a mis son t-shirt jaune. Mais du coup, ça fait bizarre. Ouais, ouais. C'est qu'on va arrêter. Non, mais c'est. Ok, bon, j'arrête. C'est quoi, j'arrive dans cet état-là? Je vais reparler comme ça. Bon, c'est Abdel qu'on n'arrive pas à joindre, malheureusement, qui voulait qu'on appelle sa copine donc pour la déclaration express. Donc c'est pas grave, on va passer Abdel et puis on va directement appeler sa copine qui s'appelle. J'ai oublié des nouveaux, ça fait trois fois qu'on me le dit. Hein. Alicia. Ah oui, c'est ça, Alicia. Allez, on appelle Alicia, donc je jouerai le rôle d'Abdel. Si toutefois ça téléphone un jour. le numéro. Ah voilà, ça y est. Bon alors attention. Alicia. C'est bien ça. Allô? Oui Alicia? Oui. Salut Alicia, je te dérange pas? Non. Ah, je voulais savoir ce que tu faisais ce soir. Oui, c'est bien moi. Non, non, pour savoir ce que tu faisais ce soir. Ce soir? Oui. Pourquoi? Non, bah je voulais te proposer de sortir quelque part. C'est qui? Ah, je suis désolé, je croyais que tu m'avais reconnu. Je suis vraiment désolé. Hein. Tant pis, je suis un copain d'Abdel. Pardon? Je suis un copain d'Abdel, tu connais Abdel? Ah oui, oui. Ah oui, oui, je viens de me souvenir de mon nom. Bon, Alicia, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Et c'est Abdel qui nous a demandé de t'appeler pour faire une petite déclaration express. Et voilà ce qu'il voulait te dire. Écoute bien, on n'arrive pas à le joindre sinon il te l'aura dit. Mais bon, écoute bien ce qu'il voulait te dire. C'est quoi cette chanson? C'est une chanson d'R. Kelly en fait. Voilà. Ah. Qui a normalement dure plus de 40 minutes. À la base. La chanson. Ouais. Le jour où je t'ai croisé sur ce site où y'a que des obsédés. Pendant bien 5 minutes devant tes photos tout seul j'ai joué. Je t'ai dit bonjour mademoiselle, dis-moi est-ce que tu couches? Tu m'as dit j'ai les lèvres gercées, les fesses toutes rouges. Je m'avouais vaincu car même en répartie t'es bonne. En même temps je sais que t'es pas blonde, du coup t'es pas conne. J'ai eu ton MSN, j'ai pas dû attendre 6 semaines pour qu'un lundi je te ken, évacuant toute ma peine. En soirée et chez toi tu m'as demandé de m'amener, et ça m'a bien arrangé car je savais pas où pioter. Je me souviens je suis arrivé, ta maison me faisait kiffer, mon sang circulait trop bien quand tu as posé ta main. Puis à un moment donné y'a ton père qui a rappliqué, alors réellement je galérais à essayer de te déshabiller. Oh oh baby, il m'a dit de vite dégager, alors mon boxer j'ai oublié, pourrais-tu me le ramener s'il te plaît bébé. Yeah, yeah. Wouh. Et ben voilà, petite déclaration express. Oh, c'était mignon. Ben bon. Ça va encore. Qu'est-ce que c'était cool aujourd'hui hein. Oui mais la censure est passée. Non, moi, je suis passé avant. Ouais, il a corrigé un petit peu le texte. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite déclaration d'Abdel? Oui, ben si je le reçois, il a intérêt à assurer en tout cas. Oh, la pression. Ça veut dire qu'il n'était pas terrible la première fois. Ouais, effectivement. Apparemment. Te casse pas, on a compris. Bon, eh ben écoute, je te fais des gros bisous en tout cas. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, d'accord? Merci. À bientôt. Beaucoup. Salut, ciao. Dans un instant, on va faire Mickaël réveille la Belgique, version un peu spéciale. Vous allez voir d'ici quelques minutes. Et nous avons quelqu'un pour la réponse à la petite question qui colle. Bien sûr. Qui est là? Bonjour. Allô. Bonjour. C'est Simon, 25 ans de Herstal. Salut Simon de Herstal, 25 ans. Comment vas-tu Simon? Ça va très bien, Mickaël. Eh ben écoute, ça va plutôt bien là. Pour l'instant, le soleil brille au-dessus de la radio. Ça va pas durer, mais on va en profiter. Hein. Bon, la petite question. Bah oui, ah, t'es où? Ah oui, à Herstal. Bon, bah ça va, écoute, ça va. Bon, où est-ce qu'un chauffeur de taxi allemand a-t-il mis une cliente plutôt que de la conduire chez elle? Dans le coffre de sa voiture. Oui, effectivement. Donc en fait, le conducteur, 57 ans, était un peu bourré. Il avait pris en charge une femme de 32 ans qui souhaitait aller à la maison, en fait, tout simplement. Et sauf qu'après après quelques minutes, elle s'est rendue compte que le taxi, en fait, prenait des chemins qui n'étaient pas du tout le bon. Et donc elle s'est énervée. Elle est sortie donc sans payer, évidemment, à un feu rouge. Le mec s'est énervé. Il est sorti de sa voiture. Il a mis une patate. Il l'a tapé plusieurs fois. Il l'a foutu dans le coffre. Et dans le coffre, en fait, elle a eu la présence d'esprit d'appeler la police, qui a commencé à le traquer. Et 4 heures après, ils l'ont retrouvé. Et donc elle est restée en coffre pendant 4 heures. Le mec est complètement con. Voilà la petite info. J'espère que le mec est en prison. Je sais pas, mais en tout cas il ne peut plus rouler en taxi. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, Simon, reste au standard. On va revenir dans quelques instants avec vous toutes et vous tous et avec l'info de Julie. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Dans un instant, l'info arrive et avant ça, pour gagner les écrans plats ou les appareils photo numériques, la petite devinette qui colle. Plus on tire dessus, plus ça devient court. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Laetitia, tu cherches? Oui. Je répète, plus on tire dessus, plus ça devient court. Il va nous falloir des indices. Je vais en donner. C'est très mauvais pour la santé et Julie a arrêté il n'y a pas longtemps. Ah oui, oh là là, okay, c'est bon, on a tous compris. Bah non, pas forcément. Comment ça ? Mais si, pas tout forcément. Le monde sait. Allez, 8h32, on est en retard, Julie. Si tu passais pas ta vie aux toilettes, on aurait pu commencer les infos à 8h30. Bien sûr, Mickaël. Allez, l'info maintenant. Salut à tous, semaine décisive pour le formateur Elio Di Rupo. C'est vrai, on le dit souvent, mais cette fois c'est peut-être la bonne. Aujourd'hui, il présente sa note modifiée au oui président de parti. Cela fait 450 jours qu'on attend toujours un gouvernement. Et plus que jamais, le pays... Le pays a besoin d'un gouvernement de plein exercice. Les bourses étaient encore dans le rouge hier. Le Belvin a perdu 4,61%, un lundi noir qui bat le record de mars 2009. Ce matin, les bourses de Tokyo ont ouvert à la baisse. La crainte de la dette grecque et la crise économique affolent les marchés. Les Belges ont 9 millions de crédits en cours. Le nombre de crédits n'a cessé d'augmenter ces dernières années en Belgique. Il y a 4 ans, le nombre de crédits atteignait 7,4 millions. Et les 9 millions de crédits aujourd'hui ont été contractés par un peu plus de 5 millions de particuliers. Le nombre d'emprunteurs avec au moins un crédit défaillant a également augmenté. Payez vos factures à la Croix-Rouge où elle augmentera ses prix. La Croix-Rouge ne sait plus faire face aux impayés au niveau des factures d'ambulance. Une augmentation de l'ordre de 30% l'an dernier à laquelle il faudra ajouter des chiffres de 2011 qui s'annoncent encore plus mauvais. Conséquence, il va falloir augmenter les prix pour compenser ces pertes. Les antidépresseurs ont la cote. Plus d'un million de Belges sont sous antidépresseurs. D'une manière générale, la consommation de médicaments augmente encore. Une hausse qui inquiétait déjà la ministre fédérale de la Santé, Laura Thorne-Collins, l'année dernière. Celle-ci avait convoqué une table ronde avec les médecins. Des mesures qui n'ont manifestement pas suffi. La rentrée reportée d'une semaine au collège Saint-Benoît à Maretsous suite au sabotage de l'installation de détection d'incendie. Les soupçons portent sur un ou des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier de sécurisation de tout l'établissement et des ouvriers qui ont en effet connu un différend avec leur employeur. Une enquête a été ouverte. Et puis aujourd'hui, les vols depuis et vers l'Italie sont perturbés. Le principal syndicat italien organise une grève générale de 10 à 18 heures pour dénoncer le plan de rigueur du gouvernement italien. Et puis enfin en sport, cyclisme, Tom Bonnen attend des examens complémentaires concernant sa fracture à la main gauche pour annoncer s'il participe ou non au championnat du monde le 25 septembre à Copenhague. Et ce soir, les Diables Rouges affrontent les États-Unis en match amical. Et enfin, la météo qui ne sert à rien aujourd'hui. C'est la pluie qui va nous accompagner tout au long de la journée. Il pleut déjà au littoral ce matin et petit à petit, la pluie va arriver sur le centre du pays à la mi-journée. Température de 15 à 21 degrés. Demain, le soleil devrait gagner un peu plus la partie sur les nuages. Dans un instant, Mickaël réveille la Belgique. Un peu particulier, vous allez voir. Mais avant ça, c'est l'info en plus. Fun Radio. À 8h35. Moi, je dis glander sur le web. Allez oui, sur Facebook. Oui. Allez checker des petits sites de temps en temps. Regardez. Pendant que vous travaillez. Regardez, Julie le fait. Du coup, on est en retard pour les infos. Oui, bien sûr. Tu n'arrives pas à assumer que tu es en retard, Mickaël. Faut toujours que ça retombe sur moi. Oh, tout de suite. Ah bah oui, bah écoute, c'est pas grave. Moi, je prends, y a pas de souci. Moi, j'assume. Ah bah très bien. Bah tant mieux. Alors, en tout cas, il y a une étude qui a confirmé que glander sur Facebook, c'est bien parce que ça booste la productivité. Donc, au travail, il faudrait que les patrons comprennent que c'est bien de temps en temps qu'on repose un petit peu notre cerveau après de longues heures de travail répétitif. Arrêtez de nous emmerder avec ça. Ne fût-ce que 5 minutes et hop, on reprend le boulot et de façon encore plus productive. Tout à fait. Donc, moralité, ne faites pas travailler vos employés, ils travailleront mieux. Un peu ça qu'on peut se dire. Oui, final. Oui. Ouais. Raccourci comme j'aime bien. Hein. Oui, c'est un raccourci, qui ne ressemble à rien. Bon, tout de suite. 8h36 sur Fun Radio. C'est mardi aujourd'hui, le 6 septembre. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Qu'est-ce que c'est ? Plus on tire dessus, plus ça devient court. Si vous avez la bonne réponse, il y a des écrans plats ou des appareils photo numériques à gagner. 63,22, c'est 1€ par message. Vous laissez vos réponses, c'est mauvais pour la santé. Julie, arrêtez-y un mois. Oui, et je tiens toujours très bien et ça me manque absolument pas. Non, mais maintenant elle bouffe. 400 par jour. J'allais justement ajouter qu'il serait peut-être. Enfin, il faudrait arrêter de me donner à manger parce que. On dit qu'on prend du poids quand on arrête. Pour l'instant, moi j'en ai plus perdu au début, donc ce serait bien qu'on en reste là. De toute façon, on va mettre un écriteau en bas de la radio, ne pas nourrir, s'il vous plaît. Allez, les Black Eyed Peas maintenant. Don't stop the party sur Fun Radio, 8h37. Bon réveil, tout le monde. Les Black Eyed Peas sur Fun Radio à l'instant. Don't stop the party. Il est 8h40. Bon réveil tout le monde. Et puis nous allons prendre maintenant Toff qui est là. Allô Toff, pour faire le Mickey réveil de Magic. Alors donc il faut que je t'explique un truc. Donc j'avais dit Mickey réveil de Magic un peu particulier. Donc devant l'école l'Athénée Royal André Thomas à Forêt. Ouais. Avec un mégaphone et que ça gêne personne. C'est-à-dire, ouais, mais vous faites quoi avec le mégaphone? Eh ben, on va rentrer et puis on va réveiller l'école. Ah bah vas-y alors. Allez, vas-y. 3, 2, 1. Tous les matins, les réveils de Magic sur Fun Radio. Ils sont dingues, ils sont dans une école. Et les cours ont repris en plus, 8h41, ils sont en plein cours. Ils sont là avec l'homme, avec deux potes de mégaphone. Eh ben la sirène. Ah la sirène. Ils vont se faire choper. Ah c'est bon. Voilà. Bon allez, remets encore voilà. Un petit coup là. Maintenant il est temps de déguerpir les gars. Reparle encore un petit coup là. Refais la pub. De quoi? Mais je suis là, on est sorti de l'école là. Ah vous êtes sorti? Ah d'accord, ok, tant pis. En fait, ouais, quand on a vu que les surveillants commençaient à nous courser, on est sorti. Ah. Très bien, bah voilà. C'était à quelle école là qu'on sache quand même? L'Athénée Royal André Thomas à Forêt. D'accord, très bien, donc pas loin de la radio. Bon bah nickel, si vous voulez faire pareil aussi dans votre école, c'est vrai que ça a redémarré les cours maintenant. N'hésitez pas, hein, si vous avez un petit mégaphone ou si vous criez fort, on peut faire ça en direct de l'école, dans la cour de récré, ça peut être cool. Bon bah à tout à l'heure, de toute façon vous avez filmé, on mettra ça sur le site. Oui, on a filmé, alors je sais pas comment c'est filmé parce que c'est l'homme qui s'en est occupé. Oh bah mal alors, à mon avis. Mais c'est filmé. D'accord, bon bah très bien, avec un peu de chance on verra le sol. Bon à tout à l'heure. C'est déjà pas mal, mais au moins on aura le son, c'est toujours pas de problème. Mais oui, mais c'est ça, voilà. Bon, dans un instant, il y a Toff qui va revenir d'ailleurs aussi pour appeler un avocat, puisque je rappelle que comme il couche pas assez souvent avec sa copine, il voudrait divorcer et prendre un maximum d'argent. On fera ça dans un instant. On aura la réponse aussi à la devinette qui colle. Je vous la rappelle, plus on tire dessus, plus la devient court. Indice, Julie a arrêté il y a un bon mois c'est mauvais, oui, pour la santé. C'est mauvais, c'est pas bien, voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 avec la réponse, c'est 1€ par message. On paiera vos factures dans un quart d'heure. J'aime quand même bien une réponse d'un auditeur du papier WC. C'est vrai, oui. J'ai arrêté le papier WC. Oui. Maintenant, c'est avec la main. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h46 et nous passons maintenant à l'infotrafic avec Julie. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Il y a un véhicule en panne sur le 40 Gand en direction de Bruxelles, à hauteur de Termat. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Et puis bonne nouvelle concernant l'accident sur le 411 Bruxelles en direction de Namur. Eh bien, la chaussée est libre à présent, malgré qu'il reste encore quelques fils. C'est déjà ça de prix. Bon, et puis si vous êtes témoin d'un problème sur la route, que ce soit un radar, que ce soit un bouchon, un accident, bref, venez nous en parler. On transmettra aux auditeurs de Fun 30 44 50. Le message, c'est par SMS, et si vous avez un smartphone, c'est gratuit. À ce moment-là, vous me faites un petit mail à mikl@funradio.be. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, c'est quelque chose que toutes les filles rêvent d'avoir, un monde sans relou, et Dieu sait que c'est compliqué, quoi qu'on se sent mieux. La Toff n'est plus là. Mais écoute, là, je me sens dans un monde sans relou. Voilà, tout d'un coup. Vois, là, finalement, comme quoi je on y arrive. C'est possible. Comme quoi on y arrive, c'est quand même pas mal, c'est cool. D'ailleurs, il y a Stéphanie qui est là, qui nous a ramené des petits croissants ce matin. C'est Stéphanie, hein, oui. Approche-toi du micro. Comment tu vis le monde sans relou toi-même? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi en disant, mademoiselle, donne-moi un peu ton numéro de téléphone, tu vas voir. Ah oui, tout le temps. Ah oui, tout le temps. C'est une heure. Donc le numéro à retenir, tu ne le connais pas, bien évidemment. Non. Ah bah voilà, bravo. 0473 86 0013. Attention. C'est le numéro de la ligne anti-relou. Top, voilà. De retour et il penserait. C'est légèrement dénudé. Je... Voilà, j'étais sûre. Ouais. De... Si je repars, t'enlèves encore un truc ou pas? Mais voilà. Je pensais. D'accord. Stéphanie a répété le décolleté, elle n'a peur de rien. Ouais, avec toi. En plus, elle s'est assise sur la chaise de Toff. Oh non, mais là, c'est la totale. La ligne anti-relou, écoutez bien, c'est donc un numéro que vous devez connaître par cœur, les filles, et donner à tous les relous de Belgique en l'occurrence. Hein, ils vont croire du coup que c'est votre numéro, vont appeler et vont laisser un message chez nous. Sauf qu'ils pensent que c'est chez vous, écoutez. Ouais, salut, c'est moi. Je veux savoir quand on se voit tantôt au cinéma, mais on le fait après. Hein. Tu m'avais dit que c'était chaud. Voilà. Tu m'entends? Oui, donc en fait là il a appelé simplement pour rassurer la fille en disant t'inquiète pas, t'as dit qu'on le ferait après, mais oui parce que tu m'as dit que t'étais chaud, donc tu me confirmes que c'est plutôt lui qu'il faudrait rassurer, t'inquiète ouais, pas voilà, ça va aller, ça, ouais. Elle ne viendra pas mais tu vas voilà. Survivre. Je rappelle à Stéphanie qui est là, donc si jamais tu y a un mec que tu dis ah putain il a l'air bien, on a les numéros, on peut te les donner si tu veux les contacter, il y a aucun problème. Ah bah écoute vraiment tu nous demandes nous si on peut rendre service. Aucun problème. Deuxième message. Bah salut, j'ai ton annonce sur le contact. Donc voilà, si tu veux me recontacter, c'est au 0485. Merci, au revoir. Bon, lui, il était mignon. Moi, je l'aime bien, lui, je vois pas où est le problème. Bon, c'était voilà, un petit on lui a donné un faux mignon. Numéro. Enfin, oui, c'est vrai que forcément, si on lui a donné un faux numéro, c'est que le pauvre. Oui, mais bon, voilà. Et donc, ouais. Il prend son téléphone portable pour faire une photo de Stéphanie. Ah, bah oui, mais il est mignonne. Bah oui, il est mignonne et tout, je vais la mettre et tout, je vais la mettre sur ton fond d'écran. Tu vas la mettre en couple. Je vais mettre en couple. Attends, tu veux prendre une photo avec elle peut-être pour ah que oui, tu vas-y, puisses, une photo. Ah bah oui, bien voilà, sûr. Ouais. Évidemment, ouais. Bon, et en attendant, le troisième message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, alors, Catherine, c'est moi. Tu m'as laissé en plan, là. Je sais pas quoi faire. Voilà. Je voulais juste savoir si t'as des bonnes. Je ne crois pas. Voilà. C'est tout. Et bah voilà, c'est tout. Bah voilà. Bon, Toff, t'emmerdes pas avec la photo, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y en a un des deux qui va pas sur la. Sa gueule ne veut pas aller sur la photo. Oui, hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en et fait. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une gueule masculine. Mais oui, parce qu'en fait, il y a une espèce de grand halo de lumière sur ma tête. J'ai pas compris. C'est bizarre. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un filtre pour qu'on voit pas ta tronche. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux halos de lumière. Mettez-vous là, les gars, parce que là, c'est impossible. Non, mais ils se mettent devant une fenêtre, après, ils comprennent pas qu'il y a un contre-jour. On peut rien faire avec toi. Mais ouais, bon, bah comme ça, vous verrez donc sur mikael.fm. Bon, on revient dans un instant avec la réponse à la devinette qui colle. Plus on tire dessus, plus ça devient court. On avait proposé un ver de terre. Bien sûr que ce n'est pas la bonne réponse. C'est mauvais pour la santé. Donc un ver de terre n'est pas mauvais pour la santé. Enfin, si vous le bouffez peut-être, mais dans l'absolu, c'est pas le cas. Voilà, 63,22, c'est 1€ par message. Il y a des écrans plats ou des téléphones. Je vais y arriver parce que je vois un téléphone passer devant moi là. Ou des appareils photo numériques qui sont à gagner. Bonne chance tout le monde. Et on écoute le son de Jean Rock maintenant. Jean Rock avec Kate De Luna et Florida. I'm alright sur Fun Radio. 8h51. Bon réveil. C'était Jean Rock à l'instant sur Fun Radio, Jean Rock avec Kate Deluna et Florida, c'était I'm Right. Et puis apparemment, on en parlera après, mais Toff a appris que Stéphanie allait faire un concours de Miss. Oui, il paraît. Donc du coup, il a pris la photo, il est content, ah bah attends, ça y est. Attends, mais je veux mettre qu'on est en couple sur Facebook directement, attends. Oui, mais je crois qu'elle doit valider à maman. Hein, ah sinon, merde. Sinon... Tu valideras ? Attends, t'entends mal, tu disais ? Je ne crois pas, non. Ah, tu vois, c'est mais... ça. C'est physique. Ah, c'est bizarre, ça. C'est physique. Alors que Julie lui aurait demandé d'être en couple, elle aurait dit oui. Ah, bizarrement, je suis déjà en couple. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais là, c'est différent, t'es avec une fille. Mais non, je suis déjà en couple. Bon, tant pis, alors, avec une autre. Désolé, faut le savoir. Bon, 8h55 sur Fun Radio. Et déçu, c'est pas encore pour aujourd'hui. Bah non, ouais. Bah non, ni pour aujourd'hui, ni peut-être même pas pour demain. Ouais. Bon, ce matin, Toff essaye de voir si en Belgique, comme en France, d'ailleurs, on peut obtenir de l'argent de son partenaire s'il ne veut plus de sexe, en fait. Ouais, bah c'est Julie qui avait parlé ça dans l'info en plus hier. Hein, donc c'est une femme qui a obtenu quand même 10 000 euros. Ah non, c'est le contraire, c'est un homme qui a obtenu 10 000 euros parce que la femme ne couchait pas. C'est oui, l'homme c'est qui a ça. Obtenu. Oui, ah, c'est oui. L'homme, ouais. Ah pardon, toi pour moi. Donc ça tombe très bien. Alors donc c'est l'homme qui a obtenu 10 000 euros parce que sa femme ne voulait plus de sexe. Voilà. Et donc du coup, bah moi j'essaye de me débarrasser de mon vieux lave-vaisselle. Hein. Je vois pas le rapport. Bah si, j'essaie de me débarrasser de ma femme. Hein, ah oui d'accord. Non okay. Parce que c'est un très bon lave-vaisselle, hein, parce qu'en plus de laver, ah, oui, elle remet dans les armoires oui. Une fois qu'elle a fini. Ouais ouais, c'est vrai. Ouais, ah oui, ça marche très bien. Hein. Ah bah au top. Bon alors, on va appeler qui maintenant ? Parce que t'appelles des avocats à Vervi, à Dinan tout à l'heure, on va où là ? On va aller à La Roche, on n'est jamais allé à La Roche. À La Roche, d'accord, oui. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, et on aura la réponse dans un petit instant aussi, la réponse à la devinette qui colle. Voilà. Donc. Décroche pas des masses à 9h. Bah alors, qu'est-ce qui se passe encore là ? Pourquoi il n'y a plus rien qui marche ? Je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus rien qui marche. Tu casses tout. Ça a coupé, mais c'est pas grave, écoute, il n'y a pas de problème, on va rappeler, hein, c'est pas grave. Hein. Allez hop. Voilà, on rappelle, moi j'ai aucun problème. Hein. Je ne sais pas pourquoi tout a démarré comme ça. Tu sais pas t'en servir de cette machine. J'ai rien fait. Arrête de t'en servir. Arrête, j'ai rien fait, tu rigoles ou quoi ? Attends, de toute façon, ça décroche pas, donc au final. Pas comme si on avait gagné quelque chose. Hein. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Allô ? Oui, bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai vu un article sur un divorce en France où la femme avait obtenu 10 000 euros de son mari parce que celui-ci ne lui faisait plus l'amour. Et donc, je me demandais si en Belgique, on pourrait faire pareil. Parce qu'en fait, je vous explique, ma femme, ça fait 2 ans qu'elle ne veut plus que je la touche, hein, même plus un petit doigt. Et donc, du coup, je me demandais si c'était possible de la faire cracher un petit peu, quoi. je l'ai lu, ça m'a surpris. Ah oui. Parce que bon, vous comprenez, là, comme forcément maintenant pour me soulager, je suis obligé d'aller voir des filles de joie, ça commence à me coûter cher. Donc si elles pouvaient m'en rembourser une partie, ce serait bien. Oui, mais je pense que vous me faites une blague là. Ah non, allez, monsieur. Je vous laisse. Bonne journée. Bah attendez, monsieur, ah, non, aidez-moi, enfin. Ah bah c'est un échec total. Non. Ah bah voilà. Oh, bah oui, mais. Ah bah c'est plié. Bah ouais, bah. Bah alors, mais t'as été un petit peu loin aussi. T'étais pas super, super crédible. Hein. Non. Bah, autant la première fois, ça s'est bien passé. La deuxième. Non, mais là, moyen. T'as rajouté le doigt, machin. Ouais, enfin, voilà, mais... c'est ça. Tout de suite, elle est dans le graveleur. Ah bah oui. Non, mais j'essaie de lui faire comprendre ma situation de désespoir. Ouais, ouais, bah bien sûr. Bah regarde, il t'a raccroché au nez, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est pas un bon avocat. Mais oui. Bon, on essaiera demain avec un autre sujet. On verra bien. On verra. Bah oui, on va voir. Bon, dans un petit instant sur Fun Radio, la réponse. Bah on va le faire maintenant. Tiens, la réponse à la devinette qui colle là. Bonjour, qui est là? Alexandra, 31 ans de Tubize. Salut Alexandra de Tubize. Comment ça va? Bah super bien, merci. Eh ben écoute, tant mieux. Alors, hein, et à Tubize, on écoute Fun sur 104.7 ou 90.6. Un des deux, ça dépend. Voilà, ça dépend bah, du jour. Je sais pas, moi j'appuie sur le 1 et ça fonctionne. Eh ben c'est très bien. Voilà, tu as mis Fun Radio 1 et c'est un très bon choix. Bon, voilà. Alors, tu as la réponse à la petite devinette qui colle. Plus on tire dessus, ah oui, on a plus ça devient court. Et c'est une cigarette. C'est une cigarette. Oui. C'est une bonne réponse. Bravo à toi. Ah, on a gagné. Ouais, par contre, si tu continues à chanter comme ça, je peux te reprendre le cadeau. Hein. Ah non, Ah si. C'est pas si. Ah oui, je sais, mais je suis très méchant. Faut le savoir. Ah non. Si, si. Bon, eh ben écoute, pas de problème, le cadeau arrivera à Tubize très rapidement. Magnifique, merci beaucoup. Je me suis peut-être un peu emballé sur le très rapidement, mais oui. Il arrivera à Tubize. C'est ça, bientôt. Prochainement. Bon, ben gros bisous, passe une bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, salut à toi, ciao. Et dans un instant, sur Fun Radio, LMFAO. Avec Natalia Kill, ce sera Champagne Showers. Sans oublier l'info qui arrive aussi avec Julie. Et bien sûr, nous paierons vos factures. 63-22, débutez le message par facture, c'est 1€ par message. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Fun Radio, il est 9h du mat, dans un instant l'info arrive avec Julie bien sûr, il y aura l'info en plus également, on va vous rembourser vos factures dans quelques instants, et puis la petite question qui colle, attention, à quoi servait la chaussure caméra d'un voyeur espagnol? C'est très très bien joué, très finement si je puis me permettre. Ah oui, ça aurait pu servir aujourd'hui avec notre invité du jour. Ah oui, je confirme. Voilà, donc voilà, à quoi servait la chaussure caméra d'un voyeur espagnol? Il avait installé ça, mais à votre avis, pourquoi faire? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a des cadeaux bien sûr pour vous. 63-22, c'est 1€ par message. Bonne chance. Et la réponse pour se regarder le menton est une mauvaise réponse. Quel est le con qui a installé une caméra sur sa chaussure pour regarder son propre menton? Non mais, il y a un moment. Non mais je vous le demande quand même. Déjà, faudrait que je trouve mon menton. Oui, mais il n'y a pas de menton, c'est ça, il a un non-menton. Bon. Ah, c'est vrai, il n'a pas de menton en fait. Allez, 9h01 maintenant, les infos avec Julie. Salut à tous, c'est une journée décisive pour le formateur Elio Di Rupo. C'est vrai, on le dit souvent, mais cette fois, c'est peut-être la bonne pour se trouver un gouvernement. Aujourd'hui, Elio Di Rupo présente sa note modifiée. Oh oui, président de parti prêt à négocier. Cela fait aujourd'hui quand même 450 jours qu'on attend toujours un gouvernement. Et plus que jamais, le pays a besoin de ce gouvernement de plein exercice. Les bourses étaient encore dans le rouge. Hier, le Belvin a perdu 4,61%. Un lundi noir qui bat le record de mars 2009. Ce matin, les bourses de Tokyo ont ouvert à la baisse. La crainte de la dette grecque et la crise économique affolent les marchés. Les Belges ont 9 millions de crédits en cours. Le nombre de crédits n'a cessé d'augmenter ces dernières années en Belgique. Il y a 4 ans, il était au nombre de 7,4 millions. Aujourd'hui, les 9 millions de crédits ont été contracté par un peu plus de 5 millions de particuliers, le nombre d'emprunteurs avec au moins un crédit défaillant a également augmenté. Payez vos factures à la Croix-Rouge ou elle augmentera ses prix. La Croix-Rouge ne sait plus faire face aux impayés au niveau des factures d'ambulance. Une augmentation de l'ordre de 30% l'an dernier, à laquelle il faudra ajouter des chiffres de 2011 qui s'annoncent encore plus mauvais. Conséquence, il va falloir augmenter les prix pour compenser ces pertes. Les antidépresseurs ont la cote en En Belgique, plus d'un million de Belges sont sous antidépresseurs. D'une manière générale, la consommation de médicaments augmente encore. Une hausse qui inquiétait déjà la ministre fédérale de la Santé, Laurette Koenigs, l'année dernière. Elle avait convoqué une table ronde avec les médecins, mais des mesures qui n'ont manifestement pas suffi. La rentrée est reportée d'une semaine au collège Saint-Benoît à Maretsous suite à un sabotage de l'installation de détection d'incendie. Les soupçons se portent sur un ou des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier qui est en cours. Des ouvriers qui ont en effet connu un différend avec leur employeur. Une enquête est ouverte. Et puis, les vols depuis et vers l'Italie sont perturbés. La CGIL, le principal syndicat italien, organise une grève générale de 10 à 18 heures pour dénoncer le plan de rigueur du gouvernement italien. Et cette action provoquera quelques perturbations dans le trafic aérien. Et puis enfin, en sport cyclisme, Tom Bonnen attend des examens complémentaires concernant sa fracture à la main gauche pour annoncer si oui ou non il participera au championnat du monde le 25 septembre à Copenhague. Et ce soir, les Diables Rouges affrontent pour du beurre les États-Unis. 9h04 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. C'est la pluie qui va nous accompagner. Magnifique météo d'ailleurs. Qui va nous accompagner une fois de plus aujourd'hui. Et ce matin, elle a commencé déjà à toucher le littoral et elle va petit à petit s'avancer sur le centre du pays pour atteindre l'est en soirée. Température de 15 à 20 degrés. Bon, il fait encore assez doux quand même. Demain, le soleil devrait gagner un petit peu plus la partie sur les nuages. Non, mais c'est vrai qu'après tout, on est le 6 septembre. C'est pas comme si on était en été. Ah non, ah bah non. Je veux dire, il y a un moment, faut quand même pas non plus. On est en automne quoi. Ben voilà, non mais c'est vrai, faut quand même pas abuser. 9h05, l'info en plus, elle arrive dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. 9h05, l'info en plus dans un instant. Je vous rappelle aussi que dans 5 minutes on vous rembourse vos factures, 63-22 par SMS, débutez le message par facture, vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, comme par exemple une petite facture qui va d'arriver maintenant, je vais la lire de suite. 59,99€ pour un chargeur universel de PC, 731€ pour le loyer, c'est cher et ça me fout dans la merde. Bah oui, mais il faut habiter dans un truc moins cher. Oui. Bah oui, si on n'a pas les moyens. 420€ pour le prêt hypothécaire, 246€ pour Luminus, 78€ pour l'hôpital, les poubelles à 110€. Oui, il ne faut jamais sortir les poubelles avant. Hein. Le jour, c'est le jour. Les amendes faut pas sortir avant. Elles sont abusées. Abusées, ouais, j'avoue. Ouais. 63-22, débuté par facture. Donc, et l'info en plus, Julie? L'info en plus, bah, c'est la crise en ce moment. On en parle énormément et beaucoup de gens perdent leur emploi. Et on sait que les hommes les perdent en général plus facilement parce que c'est eux qui ont les salaires les plus élevés. Donc, dans les entreprises, c'est eux qui dégagent en premier. Et bien, la bonne nouvelle quand même, enfin surtout pour nous les femmes, c'est que les hommes se mettent de plus en plus aux tâches ménagères. Sans emploi. Donc il y a une étude tâches, qui a été. C'est eux qui les font. Oui, c'est vrai qu'ils. Oui, ils font les tâches ménagères, voilà. Mais les tâches. Et bien maintenant, donc une étude a prouvé que lorsqu'ils se retrouvent sans emploi, les hommes redéfinissent leur masculinité. Ils restent à la maison pour s'occuper des enfants et s'essayent aux travaux domestiques. Pourquoi voilà. Pas. Mais c'est bien, c'est la nouvelle cuvée 2011. Ça prouve que c'est la nouvelle génération. Voilà, l'homme évolue, donc c'est bien. Tu vas demander à Stéphanie qui est passée, qui a fait Miss Liège. T'es déjà tombé sur un mec qui faisait s'occuper des tâches ménagères, etc. Absolument pas. Jamais. Je ne savais pas que ça existait. Ah, tu vois, hein, tu vois finalement, hein, comme quoi. On est pas le mien, compte, oui, tout ça. Le mien, il le fait. Ouais, mais t'as le meilleur homme. Moi, c'est le meilleur du monde. Quoi. On vient par croire qu'il n'existe pas, tu vois, tellement il est. Ah non, il est parfait. Mais oui, tellement il est soi-disant parfait au bah, final. Oui, mais ça existe. Ouais, bah. Il ouais. Est juste très jaloux, mais sinon... Voilà. Le problème, c'est qu'elle ne le voit que la nuit dans ses rêves. Mais pas du tout. Alors forcément, il est au top. Elle est MFAO, Natalia Kills, maintenant sur Fun, 9h07, Champagne Showers. LMFAO à l'instant sur Fun Radio, Champagne Showers. Dans un instant, la réponse à la question qui colle, à quoi servait la chaussure caméra d'un voyeur espagnol? La bonne réponse au 63-22, dans quelques minutes, on vous appelle en direct. On a aussi des places, ça y est, parce que sinon je vais oublier finalement. Hein. Des places à vous filer pour aller assister au Summer Lakes avec Joachim Garraud, Dave Lambert, Mark Knight et plein d'autres DJ qui viennent envahir les lacs de l'odeur. Ce sera le 10 septembre, Summer Lakes avec Fun Radio. Si vous voulez choper des places, eh bien là aussi, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 63-22, débutez le message par Summer. Ouais, ça me paraît pas mal ça, Summer. Ça se passera au lac de l'odeur et on vous file des places tout simplement pour venir avec la personne de votre choix. 63-22, débutez par Summer, c'est 1€ par message. Allez, on va appeler maintenant. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Pour vous rembourser vos factures et vous êtes nombreux à jouer, ça fait plaisir puisqu'on vous rembourse ici sur Fun Radio 3 fois par matinée, non pas une fois par semaine ou une fois par mois ou pas du tout en fait au final, ça peut arriver. 3 fois par jour, on tente de vous rembourser vos factures comme je ne sais pas, d'électricité de 464€. C'est cher, hein. 399€ le lave-linge, 184€ l'inscription de l'école. Oui. Le gynécologue de ma femme, 60€. Ah bah oui, mais ça, faut faire l'entretien, hein. Ah bah hey. Bah, normal. Et après, je sais pas où tu la mets, mais tu t'attrapes des maladies, des trucs. Et ça ne décroche pas. Ah bah oui, mais je sais, j'ai pas rien. On payait combien? 50. Ah, bah ça va être le revendeur. Je suis inaccessible pour l'instant, laissez-moi un message. Faudrait apprendre à faire son répondeur ailleurs que dans la machine à laver. Bonjour, c'est Mickaël. Tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Mais oui, on t'appelait pour te payer ta facture. Hein. Peut-être une machine à laver, ça aurait été peut-être judicieux à voir. Mais voilà, bon, ben tant pis, c'est pas grave. Tu retentes ta chance quand tu veux, il n'y a pas de problème. Salut à toi, bientôt. Bon. Maintenant, la question que je me dis, c'est est-ce que, vu qu'on a eu qu'un seul gagnant, est-ce qu'on remet le couvert encore une fois exceptionnellement avant 9h30 ou pas? Mais oui, tu es magnanime. Moi, j'ai envie de dire oui, mais oui, je sais, mais le boss va arriver d'un moment à l'autre, donc c'est ça. Le boss ne veut pas, hein, c'est comme ça dans la chanson. Ouais, c'est clair, ouais. Bon, allez, on le refait encore une fois à 9h30. Allez, dans un quart d'heure, vous avez 15 minutes pour vous inscrire. Tu es bon. Ouais, bah, encore faut-il que ça décroche parce que pour l'instant, j'ai pas payé grand-chose ce matin. 60, et ça m'énerve. C'est normal parce que tu ne payes rien, toi. Mais c'est même pas mon pognon. Bah oui, mais j'ai pas payé beaucoup avec l'argent du boss, ça, je veux dire. Et c'est ça qui est dommage. Bon, 63-22, débutez le message par facture dans moins d'un quart d'heure, je vous rappelle en direct. Donc vous avez un quart d'heure pour vous inscrire et je ne prendrai que ceux qui s'inscrivent dès maintenant. 63-22, débuté par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Voilà, bonne chance tout le monde. Et puis on donnera la réponse aussi à la question qui colle. On aura aussi l'horoscope de Doudou. On parlera aussi un petit peu avec Stéphanie qui va faire Miss et on va lui dire que ça ne sert à rien, mais vous verrez pourquoi dans un instant. Merci. Et Like Ely. Ouais, aussi, ouais. Like Ely qu'on écoute maintenant avec Fall Rivers sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël. C'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pouf. Excellent son à l'instant découvert sur Fun, Like Ely avec I Follow Rivers. Your Money Scoop dans un instant avec Kiaz aussi. Ce sera The Mac. Et puis on va vous payer votre facture encore une fois exceptionnellement puisque ça n'a pas décroché à l'instant. Donc j'ai dit qu'on remettait le couvert avant 9h30, donc dans à peu près 13 minutes maximum. On remet le couvert et on vous rappelle en direct 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on vous donnera aussi la réponse pour la question qui colle, à quoi servait la chaussure caméra d'un voyeur espagnol. Mais avant cela, c'est le moment, c'est l'instant. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, c'est l'horoscope maintenant. Et de quel signe est Stéphanie qui a fermé ce Liège alors Sagittaire. Sagittaire, très bien. Bon, Doudou, vous faites, vous faites encore l'amour à votre femme, vous? Ah bah évidemment, dit alors, bien sûr, et pas qu'à la mienne, hein, d'ailleurs. Ah oui, d'accord, bon, c'est bon, je préfère pas savoir. Ah plus. Non, mais faut dire la vérité, oui, oui. À vos femmes de blanc, elles sont pas très souvent satisfaites à la maison. Hein. Alors elles s'appellent Doudou. Doudou, ouais. Vous pique vos femmes. Et ouais. Je vous parle même pas de la réaction que sur l'anaconda. Ah oui, ok, d'accord. Non, mais ça va aller. Bon, Doudou, on va commencer par les béliers. Et donc d'accord. C'est Sagittaire, la demoiselle à côté de vous. Hein. D'accord, alors attendez que je regarde. Bon, oh, c'est pas mal. Hein. Ah, bon, oui. Allez, recommencez par les béliers. Ah, pardon. Bah, c'est vous qui m'avez induit en erreur aussi. Ouais, hein. C'est ça. Bon, bon, alors, les béliers, profitez de votre créativité. Votre solde bancaire va aller dans la bonne direction. Je rappelle qu'il y a l'euro million aujourd'hui. Que je rappelle que le bélier est très généreux, n'est-ce pas, Mickaël? Donc, il peut donner à ses collègues. Non mais de toute façon on a fait un deal. Si je gagne je te donne un million, oui, si tu gagnes vrai. Tu me donnes un million. C'est vrai. On a fait un deal. C'est vrai, on a aucun fait un problème. Deal. Et sur 126 millions j'en t'en donne deux. Ah, d'accord, oh là là, quel allez, homme généreux. Bon, tu m'en donnes deux aussi. Oh là là là là. Attends, beau, je me fasse pas escroquer. Escroquer, tu joues hein. Trop tard. Tu m'en donnes deux et moi je t'en donne un. Non, mais tu joues. On a la bande, on peut la réécouter. Non, mais tu joues la bande, voyons. Ah, si, la bande. Il n'y a plus de bande depuis 1000 ans. Avec le truc qui tourne. Ouais, qui tourne, les cassettes. Bon, on en était où, Doudou? Oui, là, je aujourd'hui. Sais pas, moi, Gémeaux, je crois. Allez, on fait les Gémeaux. Bon, les Gémeaux. Le temps est venu pour vous de faire des projets à long terme et surtout de les réaliser. Très bien, les cancers, ça c'est comme Julie. Votre cercle d'amis est une encre fiable dans cette période difficile. Alors ne les délaissez pas pour votre partenaire amoureux. Les lions. Pas se casser. Ouais, oui. Les lions. Il va pas se casser. Vous devez absolument recharger vos batteries, sinon ça aura des conséquences sur votre santé. Les vierges. Parfois, le monde semble être lié contre vous, mais tout est relatif et simplement une question de point de vue. Les balances. Une bonne nouvelle du côté des finances s'annonce. Ah bah la bonne heure, les scorpions. On vous sera reconnaissant d'avoir résolu un problème. Maintenant, ne cherchez pas à en créer pour autant. Les sagittaires, bah voilà, tiens, c'est pour Stéphanie, chacun, qui fait mystiège. Chacun a besoin de son espace personnel et de ses petits secrets. Alors cela ne veut pas dire qu'on essaye de vous tromper. Les capricornes. C'est une bonne journée qui vous satisfait. Les Verseaux. Accordez-vous du repos et de la détente. Dis donc, sur les deux derniers, vous avez quand même fait à l'arrache, hein. Bah non, attendez. Autant les autres, c'est des belles phrases. Là, c'est, attends, c'est une là, belle c'est... journée. Allez, accorde-toi du repos. Allez, écarte-toi. Et les poissons, doudou. Non, mais si vous voulez, je peux faire plus long. Accordez-vous du repos et de la détente parce que vous êtes très fatigué en ce moment et que votre corps va le sentir. Ça va aller comme ça. Ouais, c'est là, mieux. C'est bien. Ouais, là, c'est voilà. pas mal. Ouais. Très ah, bien. Tu vois, mais j'ai rien dit de plus. C'est vrai. Profitez de cette période pour où les étoiles vous sont favorables. Hein, ça n'arrive pas tous les jours, alors il faut essayer d'en profiter. C'est vrai. Donc, ça, c'était pour les poissons. Merci beaucoup, doudou. À demain. Oui, avec plaisir, je reviens. Ça me fait beaucoup plaisir quand je suis là. Vous voulez que je vous présente Stéphanie ? Avec plaisir, oui, si c'est possible. Ah, Stéphanie, doudou ? Bonjour. Oh, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais après l'émission, là ? Alors là, je vais aller faire le magasin. Ah bah, très bien. Tu veux que je t'aide à choisir ? Pourquoi pas ? Ah, on va à la cabine d'essayage ensemble ? Oui. Ah, là, ça va pas être possible. Et comme ça, il mettra une petite chaussure spéciale ? Ben oui. Ah. Ben oui, comme l'espagnol. Je vais ranger mon gros sépon. Ouais, c'est ça. Bon, allez, merci, doudou. Au revoir. Hein. Bah, de rien. Bonne soirée. Bonne ouais, journée. Bon, oui, bonne journée. Bonne journée aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est 9h21, doudou. Dans ah, un oui. instant, mais on va payer. Matin ou du soir ? Non, du matin. Dans un instant, on va repayer votre facture encore une dernière fois. D'habitude, on fait pas ce jeu-là, mais comme ça n'a pas décroché, on remet le couvert avant 9h30. Oui, je sais, nous sommes trop beaux. C'est vrai ? Oui, trop, trop, trop beaucoup bon. Trop. Voilà, Man featuring Snoop Dogg et Yaz avec The Max sur Fun Radio. Et juste après, on va faire pas mal de choses. La réponse à la question qui colle, les factures, on va payer les factures. Le scooter. On va offrir le scooter, on va filer les places pour le lac de l'odeur. Si vous voulez y aller d'ailleurs, hein, vous débutez votre message par Summer avec vos coordonnées complètes. 63,22, c'est 1€ par message. Vous irez donc à ce moment-là le 10 septembre au lac de l'odeur avec Joachim Garraud, Dave Lambert, Mark Knight pour une soirée qui risque de tout déchirer avec Fun Radio. C'est donc au lac de l'odeur le 10 septembre. C'est au 63,22. Débutez votre message par Summer avec vos coordonnées complètes sur Fun Radio. Man Snoopy et The Mac. Je vais y arriver finalement à te remettre dans l'ordre. Michael, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Michael à la radio, 6h09h30 sur Fun Radio. Michael. Radio. Ça, c'est Julie qui me trouble, hein. Je fais des conneries. Mais je sais bien. Mais ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Voilà le son de. Oui, je suis sûr que je vais certainement vous manquer, mais pas tout de suite. Hein. Attendez un peu, je suis pas parti maintenant. Hein. 9h26 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous débarquez. Donc c'était à l'instant Yaz avec Man et Snoop, c'était The Max sur Fun Radio. Et nous allons maintenant tenter d'offrir un scooter. Un scooter Kymco 125 cm3. Le but, trouver la plaque du scooter. Le premier qui trouve la plaque d'immatriculation du scooter repartira avec le scooter. Et quoi qu'il arrive, même s'il trouve pas la plaque, il repart quoi qu'il arrive avec 25€ de carburant chez Octaplus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est toujours ça de prix. Mais c'est vachement bien même. Bonjour, qui est là pour le scooter ? Et qui a un téléphone de merde ? Allô ? Allô ? Ah oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Allô ? Oui, oui, bonjour, le monsieur veut savoir comment tu t'appelles ? Justin. Ah, Justin, comment ça va Justin ? C'est Mickaël. Ça va bien. Bon, tant mieux Justin. Bon, alors t'appelles d'où ? De Charleroi, 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi, sois le bienvenu. Alors, tu vas tenter de découvrir la plaque d'immatriculation du scooter et si tu la trouves, c'est le scooter Kymco Like 125 cm3 pour toi, mais quoi qu'il arrive, sache que tu as déjà gagné tes 25€ de carburant chez Octaplus. Ça, c'est gagné. Alors, fais-moi une proposition de plaque d'immatriculation et je te dirai si tu as tout raison, tout bon, si tu as quelques bonnes réponses ou quelques réponses, mais à côté de la plaque. C'est le cas de le dire. Oui, je sais, je suis très, très loin celle-là. J'admets. Alors, Justin, je t'écoute. Je dirais Fun 001. Fun 001. Ah, pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais tu n'as aucune bonne réponse. Ah, voilà. Voilà, même mal placé. Ah. Même pas un petit chiffre. Rien. Pas une lettre, un chiffre. Ah, aujourd'hui, c'est une journée pourrie, puisqu'il y a. Enfin, journée pourrie, oui et non, parce que grâce à ces deux propositions qu'on a faites à 8h30 et à 9h30. On sait qu'il y a déjà pas quelques chiffres. Il y a déjà pas mal de lettres et pas mal de chiffres qu'on peut dégager. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même finalement pas mal. Bon, malheureusement, c'est perdu, mais tu repars, comme je te l'avais dit, avec 25€ de carburant chez Octaplus. Ça m'a fait super, merci. Voilà, je t'en prie, à bientôt Justin, à bientôt Charleroi. À bientôt, ouais. Salut, à bientôt. Salut. Bon, ben voilà, une bonne chose de faite. On va payer les factures dans un instant aussi. Puis on va d'abord aussi donner la réponse à la question qui colle. Oui. Ben oui. Qui est là pour la question qui colle ? Alors nous avons Birsen, 42 ans de... Charleroi. Évidemment. Salut Birsen, comment ça va ? Ça va bien, merci. Bah oui, mais on n'est pas première Charleroi pour rien. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, oui, bah oui, mais bon, c'est comme ça. Bon, bien sûr. Vous êtes reconnu ici, hein. Bah c'est ça, voilà, mais bien sûr. Bon, ah bien bah Michael, c'est une star hein, là-bas. Ouais, c'est ça. Il a porté tel dieu. C'est ça, d'ailleurs, on va me mettre sur une grande place, tu vois. Ouais, ouais, non, mais il y a une statue, non, qui est en train de se faire là-bas. Oui, mon effigie. Voilà, c'est ça, mon effigie. Michael sur son cheval avec son épée. Voilà, c'est ça. Bon, alors, t'as la réponse, donc qu'est-ce qui s'est passé? À quoi servait la chaussure caméra d'un espagnol? Ben donc pour regarder entre des jupes des femmes, je suppose. Exactement. Ben donc, voilà, le petit malin. Il a mis une petite caméra, tu sais, un peu comme une tombe, tu vois. T'as une petite caméra au milieu de deux orteils, donc il marchait, truc invisible quasiment, quoi. Et donc il s'approchait de la fille, donc hop, il était. Je me demande comment il s'est fait prendre, tiens. Je sais pas, mais bon, en tout cas, c'était bien trouvé. Ça se fait pas, mais c'est bien trouvé. Oui. Bon, ben bravo à toi. Ouais, je me doute, ouais. Bravo à toi, Birsen. Tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, d'accord? Oui, merci. Salut, salut, à bientôt. Hop là, ça y est, c'est plié. Et puis on va payer les factures, mais dans un instant, d'abord on va demander. Bah oui, on va demander à Stéphanie d'abord comment ça se passe pour Miss Liège là. Parce que j'avais dit qu'on allait. Bon, toi tu vas faire Miss Liège là dans 3 semaines, c'est ça? Oui, je suis finaliste Miss Liège. Finaliste Miss Liège, donc dans le but de faire Miss Belgique. Tout à fait. Bon, sache que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que visiblement ils vont arrêter Miss Belgique puisque c'est quoi? C'est VTVille. Il y a VTVille. Il y a VTVille qui paye beaucoup dans le Miss Belgique, qui ça ne fait plus assez d'audience et donc du coup ils se sont dit oh, ça sert à rien, on va arrêter ces conneries. Justement, si je peux être Miss de Belgique pour la dernière année, ce serait bien. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, t'imagines, bon, on ne se souviendra plus que de toi. Ce serait bien. Parfait. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Non mais après voilà, t'auras quand même la Peugeot cabriolet, tout oui, ça. Voilà. Même si c'est la dernière fois, c'est toujours bien. Quand même pas mal de choses. Bah, puis voilà. RTL peut-être. Et puis bah oui, RTL peut-être. Non, mais tu n'es pas blonde en fait. Ouais, mais comme j'ai dit, ça va. Elle peut remplacer Hakim Darmouche. Ah, tout à fait. Ah, au journal. On sait pas. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Faut voter pour toi ou à ce moment-là, oui. c'est plus la peine si. Il faut envoyer ML08 au 3250. Ça coûte cher ça? 1 euro les SMS. Ça va, c'est raisonnable. Mais t'en reçois 17, non? Non, ah, bon. Pas de reçu, un seul euro. Ah, bon, ça va alors. Ah bah, il faut bien payer sa voiture. Hein. Oh, ouais, bah ouais. Bon, allez, vas-y, répète-le encore un coup alors. ML08 au 3250. ML08, très bien. Très bien. Toi, vous voulez savoir si la 09, elle était bien aussi ou pas? Non. Non, je rigole. Et la 07? Elles sont toutes bien. Ouais, toutes mais bien. Physiquement, non, mais c'est par rapport à lui. Physiquement, non. En théorie, elles sont toutes jolies. Non, mais il n'y en a pas une qui a vraiment une tête bizarre, parce que celui, ça l'intéresse, toi. Hein. Tu vois, c'est en théorie, parce qu'elles sont pas vraiment toutes jolies, en fait. Hein. Non, c'est vrai aussi, ça. C'est qu'une légende, en fait. Ouais, on te fait croire des trucs, mais. Non, mais s'il y en a une ou deux que tu peux me présenter, des fois que j'aurai une chance, quoi. Ça va. Voilà. Non, mais voilà, c'est vraiment pour rendre service avec Toff. Hein. Moi, chacun m'a précisé que Toff est tout doux comme un agneau depuis qu'elle est arrivée dans le studio. Mais oui, mais il c'est ça. Il est tout mignon, comme ça. Il dit mais tiens, c'est... regarde, tu peux regarder comment je travaille. Et mais tout ouais. Ça, il est tout doux, j'ai jamais vu aussi doux. Mais c'est normal, attends. Pour une fois qu'il y a une fille mignonne qui vient s'asseoir à côté de moi et que c'est pas toi que je dois supporter. Ok, merci, c'est merci, merci. Ah bah voilà, ça s'est plié. Bon. Je me fais chouchouter. Mais oui, mais Julie, je t'aime, je voulais te dire. Moi, c'est trop tard, tout est fini entre nous. Tout est fini, ouais. Pour peu que ça ait déjà commencé un jour. Allez, on va payer les factures maintenant, la dernière fois. Maintenant on y va. Attends, parce que je perds du numéro. Ah voilà, bravo. Allez, c'est parti, on paye vos factures, on vous rembourse vos factures. C'est chaque matin sur Fun Radio à 7h10, 8h10 et 9h10. Et là, exceptionnellement, on le fait aussi à 9h30 parce que ça n'a pas décroché à 9h10. On est des dingues. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas notre argent, donc en fait, on s'en fout. Mais voilà, oui, dans l'absolu, c'est pas nous qui payons. Donc, on préfère que les gens gagnent. Mais exactement. Et puis, merci, il y aura Lucas. Greg, le boss de Fun Radio. Oui, bon, enfin, ne le remercie pas encore, il a pas signé. Mais je voulais dire que dans un instant, il y avait Lucas qui allait débarquer aussi avec le self, comme chaque matin. Et si vous voulez choisir vos disques et faire la prog avec Lucas, sachez que vous pouvez le faire. Donc au 3044 en débutant le message par self et en faisant votre proposition ou gratuitement sur lucas@funradio.be. C'est bon Toff? Oui, on appelle James Bond. James Bond, ok. Son numéro se termine par 007. D'accord, très bien. Et on va rembourser combien? 15 euros. Ça sert à rien. Allô, bonjour. C'est déranger du monde pour déranger du monde. Bonjour, est-ce que tu sais qui t'appelle? Merci, c'est Enel. Bravo! Là, on a failli. Qu'est-ce qu'on fait? C'est perdu. C'est un peu perdu quand même. Oui, tu as quand même dit energy. C'est perdu! Hein? Ouais. Aïe. Moi, je peux rien faire. Hein. Là, on peut rien faire. Ah, tu as répondu energy ou je ne m'abuse? Non. Si. Non. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julie. Julie. Ah bah alors si elle s'appelle Julie, c'est bon, elle a gagné. Ouais, oui, c'est ça. Bon, on va demander à Steph hein, qui s'est inscrite pour Miss Liège là. Est-ce qu'on doit la faire gagner ou pas? Oh oui. Bah oui, mais ah bon. Elle a l'air gentille. Bah, elle a l'air gentille. Julie. Non mais ça va parce que visiblement elle sait qu'il y a Julie qui travaille là. Elle sait que je suis Bélier, donc ça veut dire qu'elle écoute quand même un minimum. Ouais, minimum. C'est vrai. C'est tard, je vous écoute. Bon, ça va alors. Très bien. Mais fais attention parce que si jamais, parce que nous c'est pas grave là maintenant. Mais imagine qu'il y a l'institut de sondage qui téléphone, mais ils vont noter énergie. Voilà. Tu vois? Et nous ça nous emmerde. Ouais, ça voilà. Nous emmerde. Ouais. Bon, allez, vas-y, tu voulais qu'on rentre autour de. Tu voulais qu'on rembourse combien? Voilà, je vais cracher le chat que j'ai dans la gorge. Voilà. Tu voulais qu'on rembourse combien? En fait, j'avais une facture à payer pour ma voiture qui est justement réparation. C'était un montant de 150 euros. Justement, j'avais très difficile à pouvoir payer. Ah oui, bah j'imagine. Oui, forcément. Ah bah oui. C'est très difficile à payer. Je comprends bien. Je comprends bien. Bon, eh ben écoute, on va te renvoyer chez Toff au Standard, d'accord? Oui, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Salut à toi. À bientôt. Au revoir. Ciao. Et passez une bonne journée tout le monde. On est déjà en retard. À demain Julie. À demain Mickaël. À demain Toff. À demain. À demain Stéphanie. Au revoir. Ah tu vois non ça a raté tu vois. On se dit tiens on va peut-être avoir un petit déj de jour de suite mais non. Bon allez bonne journée tout le monde. Ciao. Il vous manque déjà. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.